Enregistrement en date du 2 novembre de l'année 2023. Donc ici, David qui vous parle et qui est accompagné de Berthold, que vous pouvez voir à l'écran. Donc bonsoir Berthold, ça va bien? Oui, bonsoir. Excellent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un événement qui a eu cours dans les derniers jours, qui aura sans doute une portée à caractère historique. Donc, c'est un événement qui a été très présent dans l'actualité au niveau international. En fait, c'est la guerre entre Israël et le Hamas qui a été déclarée, ou devrais-je dire amplifié, parce qu'il y avait déjà des conflits depuis plusieurs années, à partir du 7 octobre 2023, où au cours des attaques de grande ampleur qui auraient été commises par le Hamas palestinien contre des Israéliens. Ça, c'est selon les médias occidentaux, là, selon la version du narratif officiel qui est véhiculé présentement dans les médias de masse, que ce soit au Québec ou en Europe. Ces attaques auraient fait 1400 morts le jour des attaques, selon les autorités israéliennes, là, quand ça a eu cours. Puis depuis ce temps-là, bien, ça a amené d'autres morts, là, naturellement. Là, et ça a remis en marche les hostilités là, entre les membres du Hamas et Israël. Et par rapport à cet événement d'ampleur historique, qui est porteur d'une onde de choc que, selon certains analystes politiques, disent de même amplitude, voire même pire, que les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York, aux États-Unis. C'est sûr que j'aimerais ça avoir ta perspective là, par rapport à cet événement qui va sans doute être relaté dans les années futures et qui va avoir une influence considérable au niveau géopolitique dans les prochains mois. Donc, cet événement à caractère historique qui est sans doute porteur de changements majeurs sur le plan géopolitique au Moyen-Orient, un peu comme les attentats du 11 septembre qui avaient mené les États-Unis ensuite à envahir l'Irak et à l'Afghanistan au nom de la menace, de la lutte contre la menace terroriste. Donc, à l'époque, ils justifiaient ça. Et c'est sûr que suite à les attaques du 11 septembre, bien, il y avait été mis en place par les autorités américaines le Patriotic Act qui justifie et qui légitimise les États-Unis d'utiliser la technologie de surveillance pour espionner les gens un peu partout dans le monde au cas où ils seraient des terroristes potentiels. Donc, est-ce que, suite à cet événement qui a eu cours le 7 octobre 2023, on va assister à des changements géopolitiques importants au Moyen-Orient suite à cet événement? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec cet événement qui peuvent être soulevées, comme est-ce que cet événement serait en réalité une opération sous faux drapeau qui serait un prétexte pour permettre à Israël de prendre encore plus de territoire en Palestine. Donc, depuis 1948, le territoire d'Israël a augmenté progressivement, si on regarde des cartes de 1948 à aujourd'hui. Et là, est-ce que ce serait une opportunité, cette crise qui a cours suite à ces attentats du 7 octobre, pour permettre à Israël de légitimer, de créer le consentement social pour des mesures pour contrôler davantage de territoires en Palestine? Est-ce que c'est un événement qui a eu cours un peu comme Pearl Harbor, où les autorités américaines avaient fait semblant de ne pas avoir été au courant qu'une attaque était imminente des autorités japonaises qui les avaient averties? Et par la suite, ils ont laissé faire l'événement où des civils américains ont été tués pour ensuite, sous l'onde de choc, mobiliser la population américaine et par la suite à faire la guerre là, contre le Japon, alors qu'ils sont très loin là, en termes de pays, là. Et bref, il y a beaucoup de questions qui se posent et avant de les aborder ensemble, donc c'est sûr que je voulais rappeler aux gens qui nous écoutent que Bertolt est un communicateur ayant de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube dont vous allez retrouver un lien web là, pour y accéder là, en bas de l'enregistrement présent. Sto, il réalise habituellement le samedi matin. Aux heures du Québec, un enregistrement en direct devant le public où tu vas prendre des questions des gens, des commentaires aussi. Par la suite, je veux mentionner aussi que Issia Perrin a fait des transcriptions de ses enregistrements et qu'elle rend disponible sur un site web s'intitulant Diffusion Bertold, le feu de la parole, dont vous allez avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement, qui regroupe plusieurs livres qui ont été produits généreusement par elle en lien avec des transcriptions à la fois de Bertold en solo et aussi avec moi, donc à partir des enregistrements qui ont été faits là, au fil des ans. Je tiens à mentionner aussi qu'il existe la chaîne YouTube qui s'intitule Supramental Bertold, où vous pouvez y retrouver plusieurs centaines d'extraits des meilleurs enregistrements là, qu'il a produits au fil du temps. Donc, il y en a en grande quantité. Sinon, je tiens à mentionner aussi que je dispose en date d'aujourd'hui, en ce début de mois de novembre, de 839 enregistrements qui ont été faits avec lui ou en solo de toi, qui sont en format MP3, qui vont figurer dans mon audiothèque sur archive.org, dont vous allez retrouver les coordonnées là, en bas de cet enregistrement. Sinon, c'est sûr que si vous appréciez les plusieurs centaines d'enregistrements que j'ai faits au fil du temps, dont de nombreuses entrevues avec des invités, dont Bertold, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, je vais donner les informations à ce sujet là, en bas de l'enregistrement. Donc, vous allez avoir un texte en plus des liens web auxquels je faisais allusion, que vous allez pouvoir retrouver là, la manière de procéder. Donc, si vous appréciez ça, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Et je viens de terminer donc les petites annonces que je voulais faire. Avant de débuter, à proprement dit, je voulais m'informer auprès de toi là, si tu avais également là, des annonces à faire. Non. Donc, c'est parfait. Donc, on peut commencer à proprement dit d'aborder ce sujet que je qualifie d'ampleur historique, dans le sens que j'ai l'impression que dans 20 ans ou dans 30 ans, on va sans doute encore parler de cet incident qui a eu cours en octobre 2023, comme aujourd'hui, on parle encore des événements du 11 septembre 2001. Donc, je voulais avoir aujourd'hui donc ta perspective là, par rapport à la nature de cet événement et sa portée. À mes yeux, c'est une opération, comment je pourrais dire ça? C'est très, très, très machiavélique. C'est providentiel pour les Américains. Puis même pour toute la plupart des pays occidentaux qui s'étaient embourbés par rapport à l'Ukraine, ça crée une diversion. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est si providentiel que ça pour les Américains, en ce sens que si les Américains envoient présentement des bateaux dans le coin d'Israël, donc puis ils surveillent de près la situation, mais leur énergie est divisée entre le suivi du conflit en Israël et en Ukraine, donc ils surveillent deux fronts en même temps. En Ukraine, ils ne peuvent pas s'investir complètement pour toutes sortes de raisons. Tandis que là, c'est plus dans leurs intérêts pour vrai, là, cette région-là. Donc, l'Ukraine, c'est parce que c'était un peu comme être pris entre deux feux, là. Puis, ça pouvait pas. Ils savaient que ça marcherait pas, mais ils ont éternisé le plus possible. Mais là, il faut qu'ils sortent de ce bourbier-là un peu. Donc, ils détournent l'attention. Puis même, ça sert même à détourner l'attention partout. partout en Occident. À mes yeux, c'est les agences de renseignement américaines qui sont aux manettes pour tout l'Occident. C'est pour ça que c'est le même narratif partout, tout le temps. C'est tout le temps pareil. Mais oui, je le vois comme providentiel. D'un autre côté, l'affaire des false flags. Si la tactique des services américains, c'est d'entretenir des ennemis comme justificatif, admettons que tu finances de façon détournée des choses, puis que tu mets tout le temps de l'huile sur le feu, puis que ces gens-là attaquent, est-ce que c'est vraiment un false flag? Je le vois pas comme les gens qui ont attaqué, les gens du Hamas sont convaincus là, de leur ce qu'ils font. C'est une possibilité qu'ils soient convaincus, mais s'ils sont entretenus financièrement par les Américains, et les Américains, ben c'est sûr qu'ils ont des intérêts géopolitiques dans le sens que Israël leur permet d'avoir un pied au Moyen-Orient. Ben oui. Donc, C'est Joe Biden, je pense, c'est dans les années 80 qui avait déclaré, si Israël n'existait pas, on l'aurait créé. puis c'est l'ONU qui a créé Israël, qui, son siège social est aux États-Unis, à New York. Moi, ben, ça commence surtout avec les Britanniques. Mais il y a tout le temps, il y a tout le temps, c'est même comme Pearl Harbor, là, il y a encore, par rapport aux Britanniques. Les Britanniques étaient au courant de. Ben, ils ont dit aux Américains, c'est du bluff. Ou on n'est pas sûr. Ça faisait l'affaire des Américains aussi de ne pas être sûr. Ben, c'est les Britanniques qui voulaient que les États-Unis entrent en guerre, mais l'opinion populaire aux États-Unis était défavorable. Donc ça faisait l'affaire de tout le monde. Bien, moi, je pense que ce qui mobilise plus les gens, c'est de voir des innocents civils être attaqués sans préavis ni rien. Donc, vraiment, l'effet surprise de Pearl Harbor. Et il y a des gens qui avaient soulevé l'hypothèse que c'est la même chose qu'a eu cours le 7 octobre, c'est-à-dire que il y aurait une volonté délibérée des autorités palestiniennes de laisser les gens du Hamas passer à travers des clôtures parce qu'il y a des barrières quand même entre la Oh ben, Palestine. même Israël. Mais là, c'est pas pareil. Au moins, Pearl Harbor, c'était des intérêts militaires, là. Tandis que là, c'est des civils. Puis, si on regarde, bon, on dit le Japon, il était loin, mais là, le Japon, c'était un empire dans le Pacifique. Puis, les Américains, ils ont toute une côte à Hawaï. Puis, bon, c'était quasiment moins loin qu'Israël, là. Oui, à ce niveau-là. En fait, tantôt, je faisais référence plus aux Américains qui sont situés sur le continent nord-américain, que ce soit à New York, Boston. Ouais. Mais c'est tout le temps une affaire de. Dans une pseudo-démocratie, l'opinion publique est très importante. Au lieu d'aller selon l'opinion publique, bon, on formate l'opinion publique selon où on veut aller. Donc ça prend des chocs. C'est ça qu'ils font. Puis c'est tout un art, ça. Mais c'est très, très bien fait. Mais là, dans le fond, c'est de créer de la polarisation parce que là, les Américains, ils ont aussi intérêt à ce qu'il y ait le chaos dans certains pays. Donc, les médias, ils font pas juste, comment je pourrais dire ça, ils instrumentalisent aussi les victimes palestiniennes pour créer de la division. Puis, on a vu même au Québec, ça sert à détourner l'attention. Il y en a un là, qui a voulu faire une motion de cessez-le-feu à l'Assemblée nationale, en même temps qu'il sort un paquet de scandales que ça, on n'en parle pas à l'Assemblée nationale. Oui. Dans le Mais fond, oui. oui. Mais c'est sûr que ça peut servir à la politique internationale à faire diversion de certains scandales de politique locale. Donc, ça peut être une façon d'orienter l'opinion publique. Ben, les Américains, ils servent de ça pour détourner l'énergie, si on peut dire. Puis en même temps, ici, au niveau local, c'est récupéré par les petites mafias locales, là. Ce que moi je considère comme des petits, bon, c'est ça, les politiciens. Mais ils sont allés à la bonne école, ils savent comment ça marche, puis ils font pareil, mais à leur échelle à eux, localement. Mais ils risquent, Le Hamas, il sert bien plus Israël que puis les Américains que les Palestiniens. Ça fait leur affaire. C'est bon pour eux autres. Je parle de ceux qui mènent, là. C'est sûr que ça fait leur affaire. Ben, c'est parce que ça permet de légitimer le fait que présentement, ils sont dans la bande de Gaza au moment où on se parle, là, les soldats israéliens. Puis s'il n'y aurait pas eu cet événement le 7 octobre 2023, ben, il n'y aurait pas eu ça. Donc, le fait qu'il y ait eu des attaques, qu'on dit qu'il y a eu des enfants qui ont été tués, il y a eu des femmes, il y a eu toutes sortes de des gens démembrés, des gens kidnappés. On met beaucoup l'emphase sur les victimes, etc. Pour, quelque part, légitimer le fait que, entre autres, Israël avait demandé à 1,1 million de personnes au nord de Gaza de se diriger vers le sud, puis il leur avait donné un délai d'une journée pour faire ça, pour Ben oui, évacuer. puis en plus, à travers les débris, puis bon, c'est évident que ça va pas très bien, là. Mais de toute façon, ils bombardent au fond, là, Gaza, c'est situé où ce qu'il y avait anciennement le pays de Canaan, puis ces places-là. Les Israéliens, ils font de l'épuration ethnique, moi je le vois comme ça. Mais là, je suis pas sur le bord ni des Palestiniens ni d'Israël, dans le fond. J'observe ça. Oui, Mais puis dans moi, les... c'est ça, moi aussi, ma posture est plutôt de neutralité. Je prends pas pour l'un ou l'autre, à la différence des médias occidentaux qui, en général, vont avoir des propos tendancieux à caractère pro-israélien. Ben, des fois, même pro-palestinien au Québec. Ben, j'ai vu des entrevues, j'étais surpris, ça passerait pas en France. Où il y a notamment là, Patrice Roy qui a interviewé un journaliste palestinien puis qui l'a laissé parler. En France, ça passerait même pas, là. Mais les Français, c'est le pays, c'est un pays qui a collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets, parce qu'il y a tout le temps eu de la résistance, là. C'est pas vrai que tout le pays a collaboré, puis que ça fait partie de l'âme française d'avoir collaboré. Mais c'est aussi le pays en Europe où il y a le plus de gens de confession juive. Donc c'est pas pareil, le contexte n'est pas pareil. Mais il faut adapter d'un pays à l'autre. C'est comme McDonald's. Ils adaptent leur menu un peu d'un pays à l'autre. Oui. Puis des modes, là, comme la nourriture avec plus de salade, là, chez McDonald's, là, vu que c'est à mode de manger de la salade ou plus des fruits puis des légumes. Mais je voulais quand même te poser la question, à savoir si pour toi, l'événement qui a eu cours le 7 octobre 2023 dernier, ça serait un petit peu comme la bougie d'allumage d'une immense poudrière de réactions en chaîne dans le Moyen-Orient. Qui, un peu à l'image des États-Unis qui avaient envahi l'Irak et l'Afghanistan, là, suite aux attentats du 11 septembre, amènerait soit qu'Israël prend plus de territoire en Palestine ou un remaniement de la région. Mais de la façon dont je vois ça, c'est un peu comme dans le temps de Sadat, puis ce qu'il y avait eu, la guerre des six jours. Puis finalement, Israël sont entourés de tigres de papier. Le but des Américains, c'est pas de gagner la guerre. Ça n'a jamais été leur but. D'ailleurs, à part la guerre d'indépendance, est-ce qu'ils ont gagné une guerre? Je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont arrivé à la fin. Le but des Américains, c'est d'engendrer la guerre pour... contenir leur économie. D'ailleurs, plus ça va mal en Israël, puis plus ça va bien, les banques américaines amontent. Les quelques banques américaines qui vont survivre, qui vont manger les autres. Je regarde ça aujourd'hui, JP Morgan amonte, Morgan Stanley, Mais Bank quand of tu dis America. que ça augmente, c'est-à-dire que la valeur des actions de la banque augmente? Oui. OK. Ben, c'est sûr, les Américains, ils ont fait en sorte que tout le monde donne leurs armes à l'Ukraine, ben, ou ce qui restait de ce qu'il y avait d'armement. Là, si il y a un nouveau conflit qui éclate plus sérieux, il va falloir se réarmer. Ben, les pays de l'Occident ne vont pas acheter leur armement à la Russie ou à l'Iran, ils vont l'acheter aux Américains.

dans le sens que c'est pas le temps d'entrer en guerre. L'Iran a son prix entre plusieurs feux au niveau diplomatique, puis dans le fond, ils sont tout le temps blâmés comme un bouc émissaire, mais j'y crois plus ou moins, là. Puis, bon, je veux dire, ils sont entourés de tigres de papier, Israël. Ben, quoi que l'Iran a le potentiel de développer l'arme nucléaire, là, ça fait Ben plusieurs oui, mais années. toi, est-ce que tu prendrais un bazooka pour tuer un ours qui est juste devant toi? La réponse, c'est non, mais comme la nature humaine n'est pas nécessairement logique ou rationnelle, il y a des choses particulières qui peuvent arriver, là, dans le sens qu'il y en a qui pensent que ça peut être l'élément déclencheur d'une troisième guerre mondiale qui prendrait naissance au Moyen-Orient. L'Iran, à mes yeux, c'est encore, si on peut dire, de la fausse opposition. Quand les Américains ont décidé que le Shah d'Iran chuterait, là, tout d'un coup, là, ils ont ramené Khomeini, mais Khomeini, il étudiait à Paris, il était à Londres. Dans le temps, Khomeini, il n'a pas tout le temps eu une barbe, là. Il était en habit anglais, puis. Fait que moi, l'affaire, les ayatollahs, puis j'y crois plus ou moins. Dans le sens que, à mes yeux, c'est encore du théâtre un peu. Bien que le régime très strict en Iran, là, parce que quand même, lors de l'automne 2022, une jeune fille de 22 ans qui laissait dépasser un peu les cheveux là, en dessous de son voile a été battue, puis là, ça l'a amenée à mourir, puis là, ça a créé un événement en choc. Des jeunes se sont rebellés, puis il y a eu des pendaisons quand même publiques. Ah oui, mais ça, c'est pour occuper le monde. Ça occupe le peuple. C'est pour le peuple, ça. C'est comme en Arabie Saoudite, c'est aussi strict. Mais en privé, ils prennent des bains de champagne avec des putains, puis ils se font des lignes de coke, puis voyons, là. C'est sûr que je comprends qu'entre la théorie puis la pratique de ce qui est véhiculé, c'est deux choses, mais il y a quand même un régime de terreur présentement en Iran Oui. où l'homosexualité peut être punie de mort. Quelqu'un qui est Ben reconnu oui, comme étant mais homosexuel. comme plein d'autres pays, mais ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a eu la révolution islamique des ayatollahs, il faut qu'ils jouent le jeu. Puis aussi, ça crée une opposition avec l'Occident. Fait Ben que oui, s'ils parce voulaient, que puis nous ça fait autres, leur affaire. on est dans l'idéologie woke, là, LGBTQ+, puis ils rajoutent souvent des nouvelles lettres, là, pour ça qu'il y a un plus, là, qu'ils peuvent intégrer, là, avec les intersexuels et autres catégories. Ben, moi, je Donc, trouve qu'ils devraient tout de suite mettre tout l'alphabet, puis les chiffres de 1 à 9. On en finisse. Mais il reste que c'est parce qu'à un moment donné, quand t'as un élément, même un scénario pour justement détourner l'énergie de la population puis l'occuper, faut que tu renouvelles. Faut tout le temps que tu pousses un petit peu plus loin. Fait que là, à un moment donné, bon, ben, c'est comme de la surenchère. Mais il reste que moi, je vois juste ça comme de l'opposition par rapport, on essaye de nous faire croire que, comme par exemple, on s'oppose à des mentalités comme l'Iran. L'Iran, dans le temps du Shah, c'était pas si pire que ça, là. C'était pas pire, l'Iran. Je veux dire, les Perses, c'est pas un peuple idiot, là. Mais, bon, c'est musulman, hein, puis en plus, bon, maintenant, c'est des chiites, eux autres. Ou je le sais plus, là, je viens mêler à un moment donné avec toutes leurs histoires, mais d'habitude, quand ils ont des turbans noirs, c'est pas supposément descendre du prophète. Fait qu'eux autres, je pense qu'ils considèrent que la Mecque est occupée, comme. Fait qu'ils s'entendent pas bien avec les Saouds, puis. Mais les services occidentaux, ils servent de toutes ces chicaneries-là. C'est de la chicanerie tribale, dans le fond. C'est des tribalités. Fait que, il reste. Moi, là-dedans, ce que je vois, c'est tout le monde est instrumentalisé, là. Puis. Il n'y a pas un camp qui a de l'allure, puis il n'y a rien. Dans le fond, c'est sûr que ça peut aboutir. Le but, entre autres, c'est d'éliminer un petit peu de monde. Fait que s'il y a une guerre, ça ne sera pas une guerre nucléaire. Non, c'est plus comme ce qu'il y a eu en Ukraine, les guerres d'usure. Il y a certains coins de l'Ukraine, supposément que l'espérance de vie d'un combattant ukrainien, c'était 4-5 heures. Et ça, c'est un autre dossier sur lequel je voulais revenir avec toi, parce que par rapport à l'Ukraine, le 22 septembre dernier, Volodymyr Zelensky est venu au Parlement du Canada. Et Justin Trudeau a profité de la visite pour lui offrir 650 millions de dollars en aide militaire. Et je voulais savoir, là, qu'est-ce que tu pensais de ça? Ben, un début à mes yeux du gouvernement Trudeau, c'est d'endetter le pays. En tout cas, ça fonctionne très bien. Ben oui, c'est une machine à multiplier la dette, ces gens-là. Puis, en plus, en donnant de l'argent à l'Ukraine, ben, eux autres, ça veut dire qu'ils vont peut-être acheter de l'armement aux Américains, de toute façon, puis aux Allemands, puis ben, ceux qui fabriquent de l'armement, parce que c'est quand même pas fini tout à fait, là. Ça va durer encore un bout de temps, cette guerre-là. Mais il va falloir que tout le monde se réarme. Puis Justin, ben, c'est un bon petit chien de cet empire-là, atlantiste. Dans le fond, les Canadiens vont perdre, puis y a des élites qui vont faire de l'argent. Mais c'est tout le temps de même, c'est rendu de même, dans le sens que c'est un système où tu privatises les profits, Puis puis tu nationalises les tu rends dettes. public la dette. Comme Oui. on avait vu suite à 2008, là, avec l'effondrement de la bulle immobilière aux États-Unis et la crise des subprimes, là, où les banques avaient été renflouées par l'argent des contribuables américains, alors que les gens qui ont mal géré les banques, ils étaient morts de rire, puis continuaient de se promener en jet privé. Ben oui, tandis que vendre des produits comme ça, il y en a qui auraient dû être accusés aux criminels, à mes yeux. Tu sais, au Canada, on a l'AMF, mais là-bas, ils ont l'équivalent. Ils n'ont pas fait grand-chose. Par contre, si Joe Blow, dans le fond de l'Alabama, il sauve un peu d'impôts, il va se faire ramasser. Mais c'est tout le temps de même. C'est deux poids, deux mesures. Et c'est sûr qu'en lien avec l'Ukraine, finalement, les mois ont passé, puis il n'y a pas eu de grande offensive. On nous avait annoncé qu'au printemps 2023, que là, il allait y avoir une grande offensive parce qu'ils ont reçu du matériel des différents pays de l'OTAN. Finalement, l'été a passé. Là, on est rendu à l'automne. Au moment où on se parle, on est au début du mois de novembre. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas plus d'offensives dans les prochaines semaines pendant l'hiver, vu qu'il va y avoir du gel au sol. Donc, c'était un mirage, cette histoire-là de grande offensive. Ben là, à chaque fois, de toute façon, qu'ils annoncent une grande opération par les Ukrainiens, c'est tout le temps un fiasco. On apprend une semaine ou deux plus tard que finalement, c'est eux autres qui ont essuyé des pertes. Pis... Non, non, le but, c'est on se débarrasse de notre vieil armement pour créer une offre pour plus tard. Puis je le vois vraiment comme ça. De toute façon, l'Ukraine, c'est une mafia qui gouverne le pays, puis ça fait longtemps, là. Ben avant Zelensky. Fait que là, eux autres, entre autres, l'armement qu'ils reçoivent, d'après moi, ils le revendent. Il y en a une partie, en tout cas. Comme même l'attaque du Hamas, supposément qu'il y avait toutes des armes américaines, là. Ça a dû passer par l'Afghanistan puis par l'Ukraine. Mais c'est un peu comme l'Ukraine, puis c'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Si on regarde l'Europe comme une grosse ville, ben là, l'Ukraine, c'est un peu comme les quartiers des gangs de rue. Toutes les trafics, toutes les c'est là, qui en a le plus. Ben, dans le fond, c'est sûr que tu peux pas faire confiance à des gens comme ça. Le but de Zelensky, à mes yeux, c'était pas nécessairement autant de gagner la guerre que de la faire durer le plus longtemps possible. C'est ça, je pense, le mandat là, qui a été confié. Oui, Je mais pense là, vraiment. il va sans doute avoir une contre-offensive ukrainienne là, contre les Russes pour récupérer le territoire perdu. Là, ça va sans doute se faire dans les prochains mois. Là, ça va être vrai. Ben, d'ici là, ils sont en train de manquer de monde, là. Fait que ça peut pas marcher. Puis, bon, fait que dans le fond, l'Ukraine, d'ailleurs, nos médias n'en parlent plus. Non, C'est parce que c'est comme. un fiasco des pays occidentaux. À un moment donné, ils faisaient à croire que, ah, ils reprenaient un peu de territoire, mais finalement, si ça ne tient pas la route, ils ne peuvent plus nous faire miroiter qu'ils font des gains significatifs à un moment donné. Là, ça a ses limites. Ben, c'est pour ça que je te dis, c'est providentiel, l'attaque du Hamas. Mais il y a des gens qui ont dit que c'était providentiel pour les Russes parce que ça a amené les Américains à diluer les énergies sur deux plans, un peu comme lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nazis qui faisaient la guerre contre l'Europe de l'Ouest, les Alliés, que ce soit l'Angleterre, la France, puis ils ont décidé d'ouvrir l'autre front contre la Russie en disant leur énergie par rapport à deux fronts simultanément, ça a été une des variables qui a amené leur chute. Ben moi, à mes yeux, les Américains, ils ont financé une guerre, puis ils ont servi de pourvoyeur, mais ils n'ont jamais été impliqués en Ukraine vraiment tant que ça. Ils ont fourni de la logistique, ils ont fait des opérations par en dessous, mais c'est pas pareil, là. Ils n'ont pas envoyé. C'est pas Ben, comme. c'est-à-dire qu'ils ont été au maximum qu'ils pouvaient y aller indirectement. Là, quand tu es rendu, que tu formes des pilotes d'avions ukrainiens, puis tu t'organises pour qu'ils soient fournis en termes d'avions avec des partenariats avec d'autres pays, là, des chars d'assaut et autres, là, tu sais, je veux dire, puis tu fournis des missiles de longue portée sur plusieurs centaines de kilomètres. Ben, c'est pas comme envoyer tes propres porte-avions, là, puis tes propres avions. C'est C'est pas ça. pareil. Mais c'est. Parce que techniquement, la Russie n'a pas déclaré la guerre aux Américains, puis vice-versa, là. Tandis Non. que ça pourrait arriver, là, au Moyen-Orient. Mais là, ça serait les Américains contre quel pays au Moyen-Orient? Ça fait des années que j'en parle. Ils veulent une guerre avec l'Iran. Ah oui, c'est vrai. Fait que moi, je pense que tous les prétextes vont être bons à un moment donné pour avoir un conflit avec l'Iran. Puis ils s'en foutent que l'Iran ait la bombe atomique. Premièrement, l'Iran ne serait pas capable, d'après moi, de l'envoyer. Je veux dire, ça fait beaucoup de pays, là, le temps. Fait que il n'y aurait pas le temps. Puis aussi, s'ils attaquent leurs voisins, ils s'atomisent eux-mêmes. Je veux dire, ils peuvent pas gouverner le vent, là. Fait que ça donnerait quoi d'atomiser Israël, c'est à côté? C'est que, dans le fond, l'Iran, il joue un jeu de. Ben, c'est comme des tigres de papier. Si jamais il y a un conflit avec l'Iran, ben là, ça va être encore un conflit un peu comme quand les Américains puis les Russes, ils se battaient par procuration en Afghanistan, sans jamais réellement s'affronter. La même affaire qu'ils ont faite. Avec la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. Puis même encore là, j'ai l'impression que leur but, ça a tout le temps été d'entretenir la guerre, qu'elle dure le plus longtemps possible, pas de la gagner. Parce que quand ils sont plus capables, ils s'en vont, quitte à laisser de l'armement à leur ennemi. Oui, comme on a vu en Afghanistan, quand ils ont cédé le régime aux talibans, qui pendant presque 20 ans, ils ont voulu faire la guerre contre eux, ils ont résisté, puis finalement, bien, ils ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Les Américains, les services américains, c'est bien spécial. Leur but, c'est pas de gagner la guerre. C'est de l'entretenir, puis de la financer, parce qu'il y a des retours immenses pour des clics. Donc, c'est pareil, je veux dire, dans le fond, il n'y en a plus de nationalité, dans le sens que ce qui gouverne les États-Unis, c'est des lobbies cachés. C'est la même affaire, je veux dire. Il n'y a pas de différence entre le Canada et les États-Unis, dans le sens que le Canada, il suit même quand ça va contre son intérêt. Parce que dans le fond, tout le monde est acheté. Moi, je vois ça, c'est de la corruption, totalement. Puis la guerre, il n'y a rien de plus payant. Il n'y a rien de plus payant. L'affaire, c'est qu'on se dit, ah, c'est horrible, puis plus jamais ça, puis les peuples en souffrent. Oui, mais ceux qui la financent, ceux qui la décident, eux autres, ils sont tout le temps gagnants. Même si ton pays perd la guerre, toi, tu vas être gagnant. Parce que dans le fond, t'en as pas de pays, puis tu t'en fous. C'est pour le petit monde, ça, les nationalismes. Eux autres, ils ont été élevés dans des milieux qui n'en ont pas de nationalisme. Alors, ça n'a rien à voir, là. T'sais, on disait, les marxistes, ils disaient, la religion, c'est l'opium du peuple. Mais le nationalisme, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'invention du peuple, l'idée du peuple. Le peuple, c'est l'opium pour l'individu. Parce que dans le fond, je veux dire, en plus, c'est des peuples qui n'ont plus les identités qu'il y avait. Avant, tu allais te battre pour le roi, tu allais te battre pour l'Église. Là, on se bat pour quoi, là? Pour des nationalismes que, dans le fond, ils veulent détruire. Dans le fond, c'est tout le temps pour instrumentaliser le monde. Tout le temps, l'instrumentalisation des vieilles mémoires. Puis même des fois, c'est même pas décidé par. C'est des programmations, puis le monde sans s'en rendre compte, les peuples, ils accomplissent des programmations, puis ils s'en rendent pas compte. Au fond, les Israélites, ils ont tout le temps voulu détruire les Cananéens, les Philistins, puis mais c'est encore de même, mais ça fait partie de leur âme. Donc, c'est.

C'est encore pire. En plus, tu ne peux pas accuser du monde. Ils servent la population comme bouclier humain. Mais oui, mais comment tu veux qu'ils fassent autrement? Ils sont enterrés de monde. C'est sûr que par défaut, bon, ben, ça fait un bouclier humain. Ben, c'est sûr que la bande de Gaza, il y a beaucoup de gens au kilomètre carré, là. Ben, c'est ça. Donc, Fait que... à ce moment-là, c'est sûr que c'est facile de dire, ben, ouais. Puis, ces enfants-là qui ont connu la guerre, puis dans le fond, ils n'ont pas le temps de s'instruire de grand-chose, là. C'est facile à manipuler du monde de même. Fait que tout le monde là-dedans est manipulé, que ce soit les Israéliens ou... Moi, ce que j'ai trouvé le plus spécial, c'est que l'attaque, ça s'est passé un samedi. C'est ça, moi, qui... Là, j'ai dit, ben, la riposte, les musulmans, ils vont vouloir faire ça un vendredi, Puis comme de ça a raison, pas le manqué jour. parce que tu avais annoncé ça là, sur ta chaîne YouTube. Puis en effet, le vendredi, c'est le jour de la prière pour de nombreux musulmans. Puis c'est la journée qu'on a dit aux musulmans le vendredi suivant qu'ils devaient quitter le nord de la bande de Gaza, qu'ils avaient une journée pour le faire. On demandait à 1,1 million de personnes de quitter parce que Israël allait attaquer le territoire. Ben là, c'est en plus, il y a tellement d'affaires qui circulent que finalement, des fois, bon, on le voit tout de suite que ça ne se tient pas debout, mais il reste que finalement, c'est un conflit qui est évolué comme ça, qui, dans le fond, qui est impossible à régler pacifiquement. C'est impossible, là, vu la mentalité de ces peuples-là. Autant les Israélites que les autres, là. Je veux dire, c'est du monde, ils ont été. Même du monde qui savent que le Hamas a été financé, puis bon, dans le temps, ils voulaient se débarrasser de Yasser Arafat. Puis même, il y a du monde qui sont tellement en colère que même s'ils savent au fond que le Hamas il nuit aux Palestiniens, ben ils sont pour pareil. Mais c'est parce que là, c'est l'âme qui parle. C'est l'âme des peuples, dans le sens que c'est émotif. Fait que là, ça devient. Puis là, du monde qui n'ont jamais pu. Tu sais, je veux dire, tu t'ouvres un commerce, tu te le fais détruire, tu essaies de t'en sortir, ça marche jamais. À un moment donné, ils n'ont rien à perdre. Oui, puis ça crée des vocations aux martyrs et à de futurs terroristes qui vont se faire exploser. Surtout si ces gens-là sont privés d'eau, de nourriture, d'électricité, puis même de connexion Internet. Pendant les attaques qui ont eu cours récemment, ils se sont fait couper Internet. Faudrait pas qu'ils montrent ce qui se passe trop. Ça pourrait peut-être être gênant par rapport à l'opinion internationale. Ben, c'est gênant. Je veux dire, c'est quoi, il y a au-dessus de 3 000 enfants morts. Puis une journaliste en France est allée dire, il n'y a pas de citoyens à Gaza, il n'y a pas de citoyens innocents. Comme c'est tout mérité. Mais ça, on voit ça sur la télévision en France. Ici, ça passerait pas. Non, j'ai vu la même vidéo, elle a été virale sur YouTube. Elle disait que là, l'animateur, t'sais, disait, ça, même de ce que j'avais compris, c'est que c'était quelqu'un de pro-israélien, puis même à ça, il dit que ça n'a pas de bon sens, parce que c'est sûr que les femmes ou les enfants sont pas nécessairement responsables là, des attaques. Là, elles Ben mettent tout là, le monde dans le même panier. même si t'es pro-israélien, ça va te révolter parce qu'elle, ce qu'elle a dit, ça a tellement pas d'allure que ça nuit à Israël. Dire des affaires de même. Lui, il devait être choqué, genre, tu vas nous faire poser pourquoi, là? Parce que c'est une guerre d'image aussi. Mais là, il y en a, ils vont un petit peu trop loin, ils ont été mal formés. Ils n'ont pas été formés comme il faut, ils vont un petit peu trop loin. Ouais, ben là, ils vont se saboter dans leur mouvement en voulant en faire trop, là. Mais c'est sûr qu'il y a une mentalité qui est véhiculée, entre autres en Israël, que si quelqu'un, par exemple, est reconnu coupable d'une attaque terroriste, eh bien, les forces israéliennes vont intervenir puis vont détruire sa maison. Donc, en plus de le tuer ou de le neutraliser ou de l'emprisonner, ils vont carrément détruire la maison où il habitait en guise de représailles. Même sa famille. C'est un Aussi. peu la politique de les œufs avec. C'est ça, si sa famille habite la maison, bien, ils vont dire quittez la maison, on détruit la maison vu que c'est un terroriste, puis. Si vous n'en avez pas parlé, parce que c'est comme s'il y avait une complicité implicite que si tu vis avec lui, tu dois savoir qu'il prépare un attentat terroriste, c'est trop gros. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, la vieille matriarche, elle n'a pas rapport là-dedans, le petit bébé non plus. Ben c'est ça, Pourtant, C'est ça, exact. Comme quelqu'un qui a une petite fille, ben, comme ma fille, dans le fond, elle va avoir un an en décembre, mais tu sais, elle serait pénalisée qu'elle perdrait la maison où ce qu'elle vit, alors qu'on s'entend qu'à cet âge-là, elle n'a pas lucidité de comprendre qu'est-ce qui se Ben passe. non. Mais c'est là qu'on se rend compte, c'est pas au niveau, là, ce qu'on pourrait dire, la doctrine politique, c'est pas des valeurs comme nous, on les voit. Mais vraiment pas. Puis c'est vrai que c'est de l'épuration ethnique. Nous autres, on a été élevés dans, comment je pourrais dire ça, des idéologies complètement différentes. Mais dans le reste du monde, il y a des certains peuples que pour eux autres, c'est totalement, c'est acceptable. Toutes les épurations ethniques qu'on a vues, comme au Myanmar ou bien même les Arméniens, bon, c'est des génocides, là, mais c'est de l'épuration ethnique aussi. Mais c'est sûr que, dépendamment du contexte culturel, ils ne voient pas ça pareil. Non, exactement, à cause de l'hypnose de masse, la programmation qui est répétée à l'assemblement de jour à jour pour désigner c'est qui l'ennemi, c'est qui le méchant, avec une présentation biaisée des faits en ce sens. Ben, il va tout le temps y avoir une déshumanisation. C'est pour ça que tu as un je pense, de la gang à Netanyahou, ils disent on combat des animaux. C'est comme des nuisibles. Fait que là, tout d'un coup, ça devient comme plus acceptable de. Bon, ben, quand tu te débarrasses de des coquerelles, tu laisses pas les œufs. Mais c'est une mentalité qui n'a pas de bon sens. Puis c'est dangereux parce que ça peut se retourner contre eux autres. Parce qu'il y en a bien qui considèrent les Israélites comme des coquerelles, puis ça fait longtemps. Fait qu'à un moment donné, de la façon qu'ils agissent, ils se déshumanisent eux-mêmes, là. Ça peut être dangereux. C'est Oui. pour ça que moi, je pense qu'à un moment donné, l'Israël comme on le connaît, va être détruit. Ça risque de finir par arriver, l'affaire, je ne sais pas trop comment, mais ça pourrait aller vite. C'est bizarre, hein, parce que s'il y a un conflit mondial, ben là, la Russie est alliée de l'Iran, puis bon. L'Iran, il est pas trop inquiétant tout seul de même, mais s'ils décident qu'ils font un vrai gros conflit, de toute façon, on serait supposé avoir un troisième conflit, un dernier. Exactement. Donc, c'est sûr que des prophéties bibliques, parce que, bon, Israël, c'est sûr que, il y a des gens dans les derniers jours, là, je pense entre autres au docteur Pierre Gilbert, qui a fait une analyse eschatologique de la situation. Il avait été interviewé là, sur YouTube par Dan Pilon. Donc, il y a des gens qui voient à travers cet événement-là qui a eu cours là, en Israël comme étant un événement en relation avec des écrits anciens là, comme le Premier Testament de la Bible, là. Ben oui, ben je veux dire, c'est bien dommage, mais tu sais, comme le docteur Gilbert, je ne suis pas tout le temps d'accord avec, puis je l'écoute pas vraiment tout le temps. Mais bon, c'est parce que on dirait qu'il n'envisage pas qu'il y a peut-être une clique qui s'arrange pour que ça fitte avec les prophéties. Parce que là, il y a des affaires qui sont pas trop connues, qui sont formées en Europe, qui sont des millénaristes sionistes, là. Puis eux autres, ils ont tout le temps voulu accélérer les prophéties. Puis on parle des affaires assez spéciales. Il y en a beaucoup qui sont allés en Amérique, dans le sud des États-Unis. Puis c'est un peu la base qui est faite à Hollywood. Puis il reste que ces sectes-là existent encore. Puis il reste que c'est eux autres qui nous intéressent, pas tant la religion que la politique. C'est pas des penseurs, c'est des gens d'action. Bien sûr, ils aiment ça, être dans. Puis aussi, bon, ils vont être portés à faire travailler les autres pour leur cause. Ils sont bons là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, personne. Ça intéresse pas le monde, mais il reste que derrière, tu peux avoir un projet qui instrumentalise le religieux, que ceux qui sont les gouvernants qui instrumentalisent le religieux, quand le fond, quand tu regardes en apparence, ça a l'air des athées. Mais pourtant, loin, loin en arrière, t'as du monde, c'est des croyants. Mais d'une vision tordue de la religion. Fait que tout le monde instrumentalise tout le monde. Puis il reste que ça marche bien. Jusqu'à date, ça a tout fonctionné, là, leurs affaires.

qui pourrait se manifester. Donc, dans un lointain passé, les Elohim Ben oui, seraient mais venus en Israël. avant d'être récupéré par les ufologues, ces affaires-là, Oui. puis là, ufologue au sens large, là, parce qu'il y en a que c'est du monde qui compile des données puis sont plus sérieux que ça, là. Il y en a d'autres qui sont comme d'une espèce de religion nouvel âge ufologique, que ce soit d'autres choses. Mais reste Ésotérique que aussi. la Jérusalem céleste, ça, dans l'Ancien Testament, puis dans l'Apocalypse, là, t'sais, Ben, ça sort pas de nulle part. moi, l'interprétation que j'en faisais, c'est que dans un passé lointain, des extraterrestres seraient en relation, entre autres, avec la langue hébreu qui aurait implanté dans cette partie de territoire. Puis par la suite, il y aurait un retour des extraterrestres à la fin des temps, où la paix serait rétablie, puis là, il y aurait eu la Troisième Guerre mondiale, puis un paquet de conflits là, qui a ramené une épuration de l'humanité. Ouais, mais jusqu'à un certain point, même là, juste là, il y a des affaires qui marchent pas. Parce que l'hébreu vient pas des Hébreux. Leur alphabet est tiré d'autres alphabets qu'il y avait dans la région. Dans le temps, à certaines époques, il n'y avait pas de langue écrite, là, les Hébreux. Puis quand ils ont conquis certaines terres, ils ont pris des systèmes écrits qui existaient. Puis ils ont adapté un peu à leur langue. Mais je veux dire, c'est pour ça là, que ça devient. C'est des affaires que dès qu'on se fige, là, mettons là, qu'on a une idée fixe sur quelque chose, ben c'est jamais si simple. C'est jamais si simple. Puis là, l'affaire, les extraterrestres. Bon, ben, il y a bien des affaires par rapport à l'histoire des Hébreux que c'est spécial. C'est spécial. Comme par exemple l'histoire de Moïse. Moïse, à un moment donné, il dit à Pharaon, laisse sortir mon peuple. Pharaon, il veut pas. Fait que là, il se manifeste des plaies. Mais c'est pas 7 plaies, c'est 10 plaies. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est toutes des attributs du dieu Seth, ces plaies-là. Parce que il y avait une certaine. Il y avait une polarité, mais qui n'était pas une polarité guerrière ou quoi que ce soit, mais entre la haute et la basse Égypte. Puis, il y a des affaires bizarres par rapport à la religion des Hébreux. Comme par exemple, il y a énormément de références qui fait. Ça a l'air lié au dieu Seth, tellement que c'est en est étrange, là. Comme il se manifeste les plaies, bon, tu as les puces, les mouches, les grenouilles, les ténèbres, toutes des attributs qui viennent du dieu Seth, qui était attribué au dieu Seth. Donc, si c'est réellement arrivé, les Égyptiens devaient être morts de peur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une guerre psychologique, là. Là, comment que ça s'est fait, puis comment ça s'est passé, moi, je ne peux pas vérifier. Je n'étais pas là. Mais il reste que si on regarde la psychologie des Égyptiens dans le temps, ils ont dû être traumatisés, pas à peu près, là. Parce que c'est un peu. T'sais, c'est un peu comme à un moment donné, Moïse, il dit, il parle de son Dieu, il dit, celui, il faut l'adorer dans le désert. On va aller dans le désert. C'est encore des attributs de Seth. C'est très étrange. Fait que là, si on regarde ça comme ça, puis au fond, ces vieilles forces-là, qu'on va dire extraterrestres, entre autres, qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres, mais. Même, regarde, comme les ufologues, ils vont accrocher les visions d'Ézéchiel. Ben, moi, je trouve pas ça si ufologique que ça, là. Dans le sens que je vois pas nécessairement d'affaires d'extraterrestres pantoute là-dedans. Mais on voit des manifestations des forces qui sont liées à la Terre, tant qu'à moi, qui ont tout le temps été là, qui sont un peu de la régence. Mais à des niveaux que, bon, ça c'est. T'sais, on pourrait parler des créatures de d'autres fréquences, d'autres dimensions, entre autres. Fait que l'affaire, là, les extraterrestres, puis. Moi, jamais. Je me souviens d'un moment donné, il était rendu, il se promenait avec une Bible tout le temps. Fait que là, je me disais, ah, ben, c'est intéressant, t'sais. Peut-être qu'il va s'intéresser à d'autres choses que des bécs à gaz ou des affaires de même. Ben, lui, c'était par rapport à l'ufologie. Fait que là, il traînait sa Bible partout, là. Comme quelqu'un qui vient d'arrêter de boire puis qui est rendu dans un A, là, depuis 2, 3 ans, puis qui parle rien que de ça. Fait que je regardais ça. T'sais, mais c'est parce qu'il interprétait tout selon cette lorgnette-là de l'ufologie. Probable qu'il est tombé sur des affaires genre Von Däniken, des cossins de même. Puis peut-être qu'aujourd'hui, il écoute la télésérie Nos ancêtres, les extraterrestres, Non, il est Ancient mort. Aliens. OK, bon. Il est mort. Mais tu sais, je veux dire, il y en a d'autres, il y en a plein de ça. Mais là, c'est parce qu'il mêle tout. Fait que là, c'est pas. C'est pour ça, après, quand il y a des conflits comme il se passe avec les Israël, puis le monde, premièrement, ils comprennent pas le judaïsme, là. Parce qu'ils le regardent à travers des lorgnettes déformantes. Ben, Puis. c'est sûr que les gens n'ont pas nécessairement l'éducation aussi par rapport à ça. Tu sais, toi, tu t'es renseigné, tu as étudié plusieurs écrits au fil des ans, mais je pense que la plupart des gens vont pas lire l'Ancien Testament ou même la Torah ou d'autres livres là, en Amérique, là. Ben moi, surtout par l'observation, c'est-à-dire je les ai beaucoup écoutés. Puis OK. les différentes. Parce que c'est pas homogène, là. T'as différents courants. Puis même des fois, ils s'aiment pas, là. Ils s'aiment pas entre eux autres. Mais bon, à cette heure, c'est rendu quand je vois un rabbin, je suis dit à quelle gang. Je suis dit à quelle gang, juste à le voir aller. Mais, tu sais, c'est pareil pour toutes les autres sectes, là. Ou religion, dans le sens que dans le christianisme, il y a des protestants, il y a des luthériens, il y a des catholiques, des méthodistes, il y a plusieurs catégories, là, sous-catégories. Ben, comme le docteur Pierre Gilbert, lui, c'est la mouvance américaine des chrétiens évangéliques. Ça se reconnaît tout de suite par rapport à certains détails. Eux autres, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ça leur. Parce que là, si les tribulations commencent, seraient supposées commencer bientôt. Là, il y en a pour 7 ans. Eux autres, ils veulent être enlevés avant. Parce que Mais. là, s'il y en a pour 7 ans, ça nous amène à l'année 2030, alors qu'on est en C'est ça. 2023. Or, 2030, c'est l'objectif pour les Global Goals, là, les objectifs globaux là, par rapport au Forum économique mondial. Ouais. Puis le pire, c'est qu'en arrière de tout ça, il y a des affaires qui ont été détournées puis qui ont été cachées. Parce que les Global Goals, j'ai l'impression qu'ils en savent pas mal long. Comparé même à du monde de bonne foi puis que je trouve pas mal plus sympathique. Juste leur épinglette, là, en forme de donut, là, divisée en différentes sections, il y a quelque chose, là. Oui, surtout que ça ressemble beaucoup au symbole utilisé par le parti politique de François Legault, là, Ouais. qui est notre premier ministre ici au Québec, là, la CAQ, là, la Ben oui, Coalition mais Avenir Québec, ouais. c'est surtout lié à. Comment je pourrais dire ça? Il y a tout le temps eu au Canada des clubs, ce qu'on appelle des clubs. Mais ça, c'est les clubs anglais, c'est une façon de gérer l'économie, les colonies. Que c'est des cliques, tu choisis ton monde, puis bon. Fait que bon, l'affaire que la CAQ, ça a été fondée par qui, puis comment, puis là au début il y avait du chéneau, puis tout d'un coup du chéneau s'en va. Il y a d'autres cofondateurs, comme notamment des francs-maçons, tout du monde, tu sais, des corporatifs, là, qui viennent du monde des affaires. C'est une colonie, là, ici. Donc c'est géré par des clubs. Mais ça a tout le temps été le même dans l'Empire britannique. C'était le même partout. C'était le même en Australie. C'était le même en Nouvelle-Zélande. Mais bon, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? En Nouvelle-Zélande, il y en a une chef de l'opposition. Elle dit le pays, c'est une scène de crime. Je veux une enquête criminelle. Ça, on verra pas ça ici. Mais pourquoi qu'elle dit ça? Ben, parce que les dernières années qu'on a eues, pendant que l'autre, là, la première ministre qui a démissionné, c'est un petit peu gros, ça paraît beaucoup. Ils ont été plus subtils ici. C'est comme l'Australie, ils en sont allés fort, là. Oui, dans les mesures pendant la période qu'on a dite de pandémie, là, dans les médias. Ben là, tu regardes à un moment donné, j'ai mis un lien que c'était, je pense, le journal La Presse, la surmortalité. Puis la courbe de surmortalité est constante. Ça n'arrêtera pas, là. En tout cas, c'est curieux que ça se déroule présentement. Mais comme c'est une vidéo que je vise à diffuser idéalement le plus possible sur YouTube, Bon, j'ai pas trop de. oui, c'est ça, on reste discret. Disons Ouais. qu'il y a ça qui se déroule présentement. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo privée où on élaborera un peu plus là, sur une des causes possibles qui fait en sorte qu'on se ramasse présentement avec une situation de surmortalité. Ben là, il en parle des causes possibles. Il y a les surdoses d'opioïdes, il y a Les changements les changements, c'est climatiques. ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que, admettons que tu veux gérer, puis que t'es calé dans la façon que tu gères les masses, t'es aussi bien d'avoir plusieurs crises simultanément, puis tu justifies une par l'autre. Comme ça, c'est, tu sais, puis là, tu switches les affaires de bord. Puis dans le fond, c'est des jeux de transfert d'énergie. Au fond, c'est de la magie, là. Mais je parle pas de la magie comme le monde y entend d'habitude. Juste la finance, c'est de la magie. Parce que tu transfères l'énergie d'une structure à l'autre. Puis selon la façon dont tu le vois, ça augmente ou ça diminue. C'est juste ça, là. Oui, Les vieux principes. ben en fait, l'endettement de ma compréhension, c'est un processus magique, dans le sens que tu crées une dette à partir de rien. Tu as un banquier qui va prêter de l'argent scriptural, non pas s'appuyant sur l'étalon or, mais tout simplement d'une création abstraite en disant à quelqu'un, ben je vous prête, admettons, 300 000 $ pour vous acheter, ou 500 000 aujourd'hui pour vous acheter une maison. Mais le 500 000 $, le banquier, il l'a pas, là. Ben non. C'est créé à partir. Il y en a qui vont dire, ben, il y a une partie qu'il y a vraiment, là, un certain pourcentage, mais très faible. Mais en réalité, l'essentiel de la dette, ça n'existe pas, mais c'est créé comme ça. C'est un processus Ben magique. oui. Ben, le monde de la magie, si tu crées un univers parallèle qui est fait de projection, puis avec, tu peux influencer le monde matériel tangible. C'est juste ça, là. C'est un peu le billet de banque américain. Pourquoi qu'il est dessiné comme il est fait? Ben, c'est parce que c'est un talisman. C'est une sorte d'amulette. Comment je pourrais dire ça? C'est ce qu'on appelait anciennement les sciences abstraites. D'autres appelaient les sciences interdites. C'est pour ça que nous autres, on avait le droit canon. Tu sais, t'avais pas le droit de prêter à intérêt plus que tant. C'était vu comme anti-chrétien. Si tu prêtais de l'argent au même niveau d'intérêt que les banques nous prêtent, c'était vu comme anti-chrétien. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Il y a juste les rois puis les gens entre eux autres là, qui étaient de certaines castes qui avaient le droit de conclure des affaires de même entre eux autres. Puis eux autres n'étaient pas taxés du péché d'avidité par les chrétiens? Non, parce que techniquement, eux autres sont redevables juste devant Dieu. Ça faisait partie. Ah oui, ben c'est ça, le roi ou la reine qui règne là, de droit divin, là, comme on dit. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une couronne en or sur la tête. Tandis que plus tu descends les grades, là, plus ça tombe des métaux plus vils. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses le chevalier, lui, il y a une couronne là, en tissu par rapport. Là. Une armure en tôle et non pas en Bon, or. ben, c'est ça. Mais il reste que c'est encore présent, ça. C'est encore ça qui mène le monde. Ce qui a évolué, c'est les moyens. Puis la finesse, parce que c'est de la technologie dans le fond. Si tu te sers de la psychologie pour vendre de la gomme, c'est la même affaire. Si tu te sers de la psychologie pour t'arranger pour qu'un tel, on veut qu'il devienne premier ministre, on va conditionner la population à voter pour lui. C'est les mêmes techniques. C'est de la psychologie, mais c'est aussi de la magie, mais dans le fond, c'est de la technologie, dans le sens que c'est technique. C'est des connaissances. Puis ils sont les plus forts là-dedans, c'est les Britanniques, dans le fond. C'est eux autres qui sont allés le plus loin. Mais ça, c'était pour concurrencer d'autres nations. Qu'eux autres aussi, c'était poussé, là. C'était vraiment poussé. Juste les Jésuites, qui se sont fait mettre dehors de plein de pays, c'est parce qu'ils étaient bien avancés dans leur façon d'influencer. Les Anglais ont voulu concurrencer ça quand il y a eu la réforme. Finalement, ça finit avec l'université d'Oxford, puis Tavistock, puis ces affaires-là. Mais on voit que c'est une autre école pareille. Mais dans le fond, c'est des guerres de magiciens. Moi, je le vois de même. Comme les Hébreux, ça a tout le temps été un peuple de magiciens. Dans le sens que, quand il y a eu les lois à canon, que tu n'as pas le droit de prêter à tant d'intérêts, si t'es chrétien, puis tout, eux autres, c'est dit, OK, nous autres, on va le faire. Nous autres, c'est pas interdit. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'en tant que chrétien, tu n'avais pas le droit de prêter à tant d'intérêt, mais il disait pas grand-chose si tu empruntais. Fait que, tu sais, c'était un peu comme si c'était pour te protéger les autres de toi-même, mais te protéger de toi-même, là, c'était moins bon. Mais il reste que le monde disait, bon, ben lui, s'il veut s'endetter chez un Shylock, son affaire, là. Il s'en mêlait pas trop. Parce que il y avait la notion aussi de libre arbitre. Fait que, bon, il y a des affaires que tu n'avais pas le droit de faire. Il y a d'autres affaires que tu avais le droit de faire, même si c'était déconseillé. Mais finalement, bon, ça finit tout le temps plus ou moins bien. Mais c'est pour ça que les pays qu'il y a commencé à avoir la finance, vraiment de la finance en premier, c'était pas des pays catholiques trop, là. Pas tant que ça. Ou qui étaient ouverts à la réforme. C'est pour ça que, bon, les premières bourses, bon, t'as eu en Hollande, des pays de même, là. Ou les banques, la Suisse, puis après. Bon, le premier qui a inventé le riz papier, c'est au Japon. Il y en a un qui était négociant en riz, puis il a inventé le riz papier pour spéculer. Puis lui, même que ça s'est encore utilisé aujourd'hui, les chandeliers japonais. C'est quand tu regardes des graphiques, tu peux le lire en chandelier japonais si tu veux. Il y a des programmes, puis ça convertit les graphiques. Puis là, c'est des barres, t'as rouge ouvert, puis ça fait finalement, ça fait des chandelles, comme. Mais ça change la vision que tu peux avoir d'un graphique. Mais quelque part, il y a quelque chose de. Comment je pourrais dire ça? C'est bien intuitif, ces affaires-là. Donc, on est dans le psychique, là. Ben, les gars, c'est ça. Dans le sens que c'est tout le temps par rapport à la finance. Même c'était comme ça, avant le Moyen-Âge. Mais moi, j'aurais tendance à dire que derrière la finance, derrière la guerre, c'est plus une question d'énergie. Oui, mais ça revient tout au même. Parce que pour moi, la finance, c'est une forme d'énergie. Mais avant que l'argent papier ou sonnant ou trébuchant ou même numérique existe, il y avait du troc entre des individus, puis c'était. Moi, mais il y avait des monnaies pareilles. Dans le sens, tu vas tout le temps avoir un objet qui est plus rare, puis qui vaut plus de kilos de carottes que. Qu'un Je veux autre, dire. C'est ça. Parce que changer des patates pour des carottes, ouais, c'est aussi bien de changer des rubis pour des carottes, là. Parce que c'est plus rare, tu vas avoir plus de carottes. Puis, il y a tout le temps une caste. Il y a tout le temps une caste. Qu'eux autres, ils n'ont pas besoin de manger autant que les petits paysans. Fait qu'eux autres, ils aiment ça, des bébelles. Dans le sens que, dans le fond, ça sert à rien, là. T'sais, les rubis, ça a eu une importance à une certaine époque parce qu'on leur accordait comment je pourrais dire ça? C'est lié à. Ben pourquoi justement les grands prêtres du temple de Salomon, il y avait des pectorales avec des pierres. Pis. Parce que les pierres, bon, il y avait des systèmes de croyances anciens. Pis. Celui qui a de l'argent puis qui est capable de se payer des rubis puis des émeraudes. Souvent, il va penser qu'en acquérant, son pouvoir augmente. Puis il va pouvoir avoir encore plus. Mais c'est sûr, ça a des pouvoirs de fascination. C'est un peu comme l'histoire, l'émeraude au front de Lucifer. C'était la connaissance. Mais il reste que, bon, ces affaires-là. C'est possiblement que ça a des utilités, mais c'est des technologies bien, bien subtiles. Bien, on sait aujourd'hui que, par exemple, sur du quartz, on peut entreposer l'équivalent de milliers de CD là, en termes d'informations là, au niveau du stockage de données. Puis aujourd'hui, on a des clés USB là, qu'on peut mettre plusieurs gigs là, d'informations. Donc, derrière ce concept-là, c'est l'idée qu'à travers la pierre, on peut encrypter de l'information. Bon, les ordinateurs le font, par exemple, en gravant des CD. En utilisant des disques compacts, le code binaire, là, en faisant des trous avec des zéros puis des 1. Mais le principe que la pierre peut être un élément où ce qui est encrypté de l'information mémorisée, moi, je pense que ça a une fonction qui est réelle. Ben oui. Même notre technologie actuelle n'est pas si avancée que ça, là. dans le fond, là, Yunmin, il avait découvert, c'était des petites sphères que tu voyais dans quel sens que ça allait, parce qu'il y avait un creux en dessous. Moi, j'ai tout le temps pensé c'était des sortes de disques durs. Mais là, ça a quel âge? Ça a été trouvé dans de la roche. Puis, à un moment donné, je me demandais, ça va être comment, les ordinateurs plus tard, puis tout. Puis, à un moment donné, je voyais, c'était comme ça avait l'air d'un aquarium avec de la gélatine dedans. Là, ça me disait, ça va être l'électronique, elle va être rendue au même niveau que le neuronal, là. C'est-à-dire, les circuits, ils vont se faire puis se défaire à mesure. Tu vas avoir des millions de connexions par millimètre carré, là. Puis ça va être quasiment dans l'ordre du vivant, là. Je dis, OK, je veux pas savoir ça. De toute façon, je vais être mort, mais que ça arrive, ça me dit, oh, tu vas être mort. Je dis, OK, ça m'intéresse pas. Mais il reste que c'est le vivant, l'ultime technologie. Puis plus la technologie, elle va s'approcher du vivant, plus que... Si on se ramasse dans des dystopies cauchemardesques, on s'en rend pas tout le temps compte parce qu'on est dedans. Ben, Mais ça se moi, ça... fait, ouais, ça se fait progressivement. C'est-à-dire, la façon que je vois ça, c'est que progressivement, bon, on parle beaucoup à l'époque présente de l'intelligence artificielle qui se développe rapidement. Puis l'idée que de plus en plus, on passe du temps devant des ordinateurs, des téléphones intelligents, différents types d'écrans. Puis les gens se ramassent avec des montres, avec des capteurs, parce qu'ils peuvent connaître le nombre de pas qu'ils font à chaque jour, le rythme de leur battement cardiaque, ils peuvent être géolocalisés aussi. Donc, on crée un consentement social où ce que la technologie, c'est la TV qui était devant toi ou la radio. Progressivement, c'est sur toi, c'est ta montre, c'est le téléphone que la personne porte dans sa poche à la hauteur des testicules. Éventuellement, ça va être sous la peau avec la puce sous-cutanée, la façon que je vois ça. Puis, éventuellement, ce que Elon Musk parle avec le Neuralink, donc un lien entre ton cerveau et l'ordinateur, où ce qu'il y aurait possiblement la possibilité que dans ton cerveau soit téléversé de l'information, ou vice-versa avec l'interface cerveau-machine qui permettrait, entre autres, aux gens atteints de paralysie physique là, de pouvoir interagir avec l'environnement. Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est que il n'y a pas de conscience artificielle. Fait que là, à mesure que la technologie avance, on n'est pas plus brillant. On a juste plus de moyens. Donc, ça va être quoi plus tard, les purges? Parce qu'à mes yeux, les guerres, c'est des purges. Ça va aller jusqu'où? Puis dans les médias, on nous vend de plus en plus. Le gars qui est dangereux, c'est pas Elon Musk. Dans ce qu'on nous présente dans les médias. Le gars qui est dangereux, c'est le fondamentaliste chrétien qui veut rien savoir de ces affaires-là, puis que lui, il veut avoir une famille, puis faire des enfants, puis cultiver une terre. C'est lui qui est dangereux. C'est ça qu'on nous vend de plus en plus. Mais ça se tient pas debout, là. Il va tout le temps avoir des affaires comme les Amish. Tu sais, je veux dire, il va tout le temps avoir du monde qui vont dire non. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est au niveau de ceux qui gèrent, derrière les rideaux. À un moment donné, ils vont peut-être avoir la possibilité de dire, ben, eux autres, ils veulent pas, fait qu'on s'en débarrasse. Ou il crée un environnement tellement pollué que finalement, si on n'a pas recours à la technologie pour avoir accès à de la fécondation artificielle, ben ils pourront plus se reproduire sans qu'il y ait un génocide physique avec un massacre. Tout simplement qu'ils sont exposés à un environnement avec plus en plus de perturbateurs endocriniens, matières toxiques qui vont nuire à la fertilité, que le taux de fertilité dans les prochaines décennies va se mettre à descendre, puis ils pourront tout simplement plus se reproduire à cause qu'ils vont être exposés à des polluants. Ben, si aussi les terres sont tellement polluées qu'ils n'ont plus possibilité de vivre de la terre, puis que c'est l'intermédiaire pour la nourriture, ce qui est le rêve de toutes les dictatures, c'est le gouvernement. Là, tu n'as pas le choix de dire oui à tout, sinon tu manges pas. Mais j'ai l'impression que ça ne se rendra pas là. Qu'il va y avoir des imprévus. Mais il reste que c'est là qu'on voit à quel point tout est manipulation tout le temps. Parce que là, à un moment donné, il y avait eu un scandale parce que Pauline Marois elle voulait donner de l'argent à une cimenterie. Puis là, ça faisait des particules dans l'air, puis tout. Mais pourtant, en Israël, ça fait des décennies que des Palestiniens se font remplir leurs puits de béton. Mais c'est polluant, là. Je veux dire, c'est comme du ciment, puis ça va dans les nappes phréatiques. Puis d'une certaine façon, c'est ridicule. Je veux dire, ça te donne quoi de polluer une terre t'sais, après, eux autres, c'est eux autres, ils vont être obligés de. Éventuellement dépollués, mais ont peut-être pas cette conscience aussi vaste qu'un jour vont être confrontés aux conséquences de leurs actes. Ben, t'sais, ben, ils peuvent toujours percer des couches puis faire des puits qui vont de plus en plus creux. Aussi. Mais il reste à des limites parce que dans le béton, il y a des composantes plus lourdes qui vont descendre jusqu'au fond, là. D'une certaine façon. Puis c'est de voir que les médias, les environnementalistes, tu chiales pas. Ça les dérange pas. Ça, pourquoi? Parce que sont hypocrites, dans le fond, tant qu'à moi, parce que là, ça touche à la politique. Puis ils veulent pas être en conflit d'intérêts par rapport à ceux qui les financent, peut-être. Mais il reste que c'est tellement pas intelligent, c'est vraiment stupide là, de verser du béton dans des puits. Mais avant, ils empoisonnaient les puits, mais je parle dans des conflits comme il y a eu, mais c'était des affaires qu'à un moment donné, bon, ça filtre tout, puis c'est pas empoisonné tout le temps. Mais là, ça pourrait être pire, là. Dans le sens que tu contamines pour longtemps. Il y a plein d'affaires qui, dans ce sens-là, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde d'observer ça puis de le voir que ça marche pas. Il n'y a rien dans ce qu'ils disent qui marche ou qui est logique. Là, ben juste l'affaire, vouloir faire une motion à l'Assemblée nationale pour un cessez-le-feu. Mais là, l'Assemblée nationale du Québec, c'est n'importe quoi. Ça en est, ça c'est de la posture. C'est de la posture dans le sens que tu prends une posture pour éviter de faire quoi que ce soit de concret. Comme ça, tu as l'avantage de ta position, puis tu n'as pas le désavantage de l'action. Mais il reste que c'est comme quand, tu sais, je veux dire, quand Justin Trudeau fait une déclaration, il dit vraiment, ben, libérer les otages. Immédiatement. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est comme voir si les autres à l'autre bout, par plus le chef du Hamas, c'est un corrompu qui vit au Qatar, il allait voir Justin Trudeau à TV dire libérer les otages. Voir s'il allait appeler son monde, dire, hey, là, vous libérez tout le monde, Trudeau. Ils s'en Non, foutent. non, c'est pas nécessairement efficace, sauf que les gens de la C'est de la po posture. oui, c'est de la posture, mais qui va amener une partie de l'électorat potentiel pour les prochaines élections au Canada ou au Québec à dire, ah, il est gentil, il veut que les otages soient libérés, c'est un bon gars. Puis les gens ont peut-être pas la même culture politique que toi, puis eux autres, ils pensent que c'est peut-être efficace parce qu'ils surestiment Trudeau, alors qu'en réalité, je suis d'accord avec toi que c'est purement cosmétique, ça n'a aucun impact réel. Oui, ben, dans le fond, c'est ça, ça en est de l'hypocrisie totale. Parce que c'est ça, t'as l'avantage de ta posture, puis t'as pas. Mais là, tu sais, c'est tellement n'importe quoi. Tellement Ben, moi, je n'importe trouve quoi. qu'ils sont hypocrites dans le conflit entre Israël et le Hamas, mais aussi par rapport à l'Ukraine. Dans le sens Ben que oui. Trudeau, puis les États-Unis ou les autres pays de l'OTAN, c'est pas en donnant une fois de temps en temps un char d'assaut ou quelques munitions qui vont amener un changement au second niveau puis modifier la situation. T'sais, ils nous présentent ça comme ah, ben, si chacun fait son petit geste, ils vont réussir à reprendre leur territoire. Ben non, l'aide militaire n'est pas assez grande pour Ben faire là. renverser la vapeur. C'est ridicule. Ben la guerre par rapport à l'Ukraine, les Russes, ils venaient de traverser, puis je l'avais dit, la résistance est futile, ça va durer des années, puis l'Occident, ils vont financer ce conflit-là qui dure le plus longtemps possible, puis ça ne changera rien. C'est exactement. Parce que dans le fond, les vrais buts, je les connais. Ça a tout le temps été pareil. C'est la même histoire depuis. Et quels sont-ils pour le rappeler aux éditrices et auditeurs? Ben, c'est de faire de l'argent. Mais il y en a, ils vont dire, bon, mais il y a des pays qui se sont endettés, puis ben, il se passe pas d'eux autres, je parle, là. Le pays, ça n'existe pas, là. C'est comme une marque de céréales. Ben, ça existe dans l'esprit des gens qui y Ouais. croient. Mais ben, dans les faits, c'est du théâtre. Puis c'est tout le temps une clique d'individus. C'est pour ça me fait tout le temps rire quand le monde dit, ah, oh, le 1%. Le monde qui mène pour vrai, c'est même pas un millième d'un pour cent, là. Tu sais, je veux dire, le 1%, il n'y a rien fait. Ça fait partie les niaiseries de genre la lutte des classes, c'est-à-dire d'opposer des strates de la population les unes aux autres pour les occuper. pendant que tu haïs ton voisin qui est riche, ben tu te rends pas compte que lui tout, il se fait mener par le bout du nez. Ouais, sauf que les vrais riches, tu les verras jamais dans les médias un peu partout. Ben non. Parce que comme t'as le magazine Forbes, puis eux autres, chaque année, donnent les plus grandes fortunes à Bezos, il est rendu à temps. T'as Elon Musk, t'as l'autre Bill Gates, il est rendu à temps, sa fortune est évaluée à temps, puis tout. Ben oui, mais et qui pourrait évaluer la fortune des Rockefeller? C'est impossible à évaluer. Ou des gens qu'on n'a même pas entendu le nom, qui ont de l'argent dans des paradis fiscaux, que ce soit aux Bahamas ou dans des comptes à numéro suisse, là. Ben, je veux dire, c'est incroyable l'hypocrisie. Comme, juste au Québec, bon, il en envoie, là, je veux dire, toutes nos plus grandes compagnies, ils envoient de l'argent dans des paradis fiscaux, puis c'est fait en toute légalité. Puis t'as les médias qui le rapportent à demi-mot, telle compagnie, ils ont envoyé tant à Barbade ou des Bahamas. Ça, c'est pour pouvoir dire par après, si tu reviens, dire pourquoi vous parlez pas de ça, on en a parlé. Ben oui, mais. Vous parlez pas du fait que c'est arrangé que ceux qui votent les lois, ils vont tout le temps faire que c'est légal. Je veux dire, c'est légal pour ces grosses corporations-là qui ont des moyens puis qui ont des fiscalistes à 8 000 pièces de l'heure. Mais moi, mettons, je veux faire pareil, ça va me prendre, je vais avoir de la misère. Il va falloir que je vais avoir des plus petits paradis fiscaux. Y en a qui sont pas super. Je veux dire, les îles Seychelles, les petites îles britanniques. Et en plus, les îles Seychelles, c'est le fun, ça parle français. Parce que c'était à la France avant. Mais les Anglais, ils ont tout le temps agi de la même façon. Moi, mes yeux, c'est eux autres qui mènent. Je parle des Anglo-Saxons. C'est comme quand il y a eu, là, le temps, la colonie en Amérique du Nord. Ils attendaient que les Français aient tout défriché, qu'ils aient planté des arbres, qu'ils aient planté des affaires, qu'ils aient créé des bâtiments. Puis après, ils ramassaient, ils passaient, puis. Ils vont attendre qu'on fasse la job, des petits peuples qu'ils considèrent comme inférieurs, puis après, ils vont voler le territoire. Mais c'est la même façon encore. C'est pour ça que, tu regardes, l'Australie, ça a été découvert par les Français. Ah, ça, je ne savais pas. Ah oui, c'est la Pérouse, puis que d'ailleurs, que jamais été retrouvé, il s'est fait financer une dernière exploration, que je pense qu'ils sont arrangés ou qu'ils ne reviennent jamais. Mais les Britanniques, ils ont tout ramassé. C'est juste aujourd'hui, puis ça prend tellement de temps avant de se rendre compte que c'est des erreurs. C'est là comme aller vendre la Louisiane aux Américains. C'est parce qu'ils ont été forcés un petit peu, les Français. Mais ils voulaient garder les places où il y avait de la canne à sucre. Mais à long terme, c'était plus intéressant de garder la Louisiane. Mais c'était tout le temps de même. C'est se faire avoir tout le temps. Là, avec le gros projet hydroélectrique, on le voit-tu que c'était une erreur de se débarrasser du Labrador, puis. Ben oui. Tu sais, c'est tellement ridicule. La carte a fait que les rivières, ils passent toutes à travers. Puis là, on veut bâtir des méga barrages. Ben oui, mais on va être obligé de s'entendre avec eux autres, là. Cette Terre-Neuve, ils sont pas si cons que ça, là. Ils vont négocier. Mais il reste que c'est incroyable comment il y a du monde, le monde du petit peuple va se sacrifier, puis on y fait valoir toutes sortes d'affaires, puis c'est pareil partout, là. Mais finalement, c'est vrai que tu te sacrifies pour du monde qui te respecte pas. C'est ça, être colonisateur. Même les colons israéliens, ils vont payer au bout de la ligne. Ils s'en foutent, là, ceux qui mènent pour vrai. C'est des pions. C'est des pions sur un jeu d'échecs. Donc, autrement dit, tu décris les dirigeants qui gouvernent pour le vrai comme étant des psychopathes. Ben oui. C'est l'évidence même. Moi, j'ai jamais cru les théories d'affaires de reptiliens. Puis, par contre, au niveau de l'archétype, puis de la conscience humaine endormie à travers les formes, il reste que quelque part, il y a une réalité. C'est-à-dire que ceux qui nous mènent, ils sont des reptiles au niveau émotionnel, là. Sont tellement cyniques, sont tellement pas d'empathie, pas de compassion. Pour eux autres, on est du bétail, là. Puis ça a tout le temps été. Ça a tout le temps été comme ça. C'était pareil partout. Puis pour ce qui est des êtres au-dessus d'eux, c'est-à-dire ceux du plan éthérique qui ont généré le monde physique et manifeste. Ben là, on tombe dans des sphères. Là. On tombe les affaires, les sphères. Puis là, rendu là, je peux pas être sûr de rien tant que ça. Tout ce que je sais, c'est que quelque part, ouais, y a un plan. C'est évident, parce qu'on voit, il y a des programmations. Ça a été voulu. Puis les peuples, on dirait qu'il faut qu'ils souffrent. Puis on dirait que dans le fond, le but, c'est de créer des individus de plus en plus perfectionnés au niveau de leur conscience. C'est-à-dire, on dirait qu'il y a sur Terre des forces de, comment je pourrais dire ça? Je trouve pas le mot, là, mais c'est de l'adversité qui a été mis là exprès. Puis, mais dans le fond, qu'est-ce qui va en profiter au bout de la ligne, c'est qu'à un moment donné, ben, on va s'adapter, on va finir par la voir de plus en plus, la game. Du monde qui comprenne comment ça marche, il y en a bien plus à Star qu'il y en avait à la Renaissance, là. Les Oui. formules, elles sont pas fous. Ou on les entend sur Internet, dans des médias alternatifs, ou... Bon, ceux qui sont fous un peu, dans le fond, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. À moins que tu le sais qu'il y a des guerres aussi dans ces clics-là. Puis tu t'arranges faire attention. Ça me fait penser, c'est comme Machiavel, quand il publie Le Prince, il dédie à l'Oral Magnifique. Il sait que l'Oral Magnifique, il va pas jeter un bouquet de fleurs. Faut que ça passe mieux. Fait que, tu sais, mais il reste que. Parce qu'ils sont puérils, c'est du monde puéril, dans le fond. Qui, je parle ceux qu'on voit, là, puis qui ont une certaine capacité décisionnelle. Mais c'est comme. Ben, tu regardes François Legault dernièrement, qui était choqué, il dit, c'est assez insultant se faire traiter de Jean Charest. Je trouve ça drôle. Y a-tu de quoi de plus insultant que se faire traiter de Jean Charest? Pour mon Dieu, se faire traiter de François Legault, c'est peut-être un petit peu plus insultant. Mais il reste que c'est des clics, puis c'est un peu comme un show. Parce que moi, personnellement, j'aurais pas osé dire ça à sa place, mais c'est parce que je fais pas partie de la game, puis j'ai pas été désigné que, OK, on fait du théâtre, bon, on Ben, s'amuse. c'est ça, c'est comme des. Moi, je vois ça comme des lutteurs, là, parce que Infoman, Jean-René Dufort, dans une de ses émissions récentes, avait sorti cet extrait-là, mais il avait montré un autre extrait où ce qui valorisait Jean Charest dans son propos. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est comme des lutteurs, comme Mané, ils sont amis, puis là, ils sont Ah oui. ennemis, puis il y a une mise en C'est comme scène. moi, parler de Jean Charest, je fais attention. Tu sais, c'est pas mon ami. Dans le sens que je le sais que. Sais, c'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? T'sais, je veux dire, si tu vis à Montréal à certaines époques, tu vas pas te mettre à dire du mal de Cotroni sur la rue, là. C'est la même affaire dans toutes. D'avoir du discernement un peu. Oui. Parce que on parle du monde, justement, des fois en privé, ils vont dire, moi, je suis au-dessus des lois. Mais quand on regarde comment c'est à Manchon, on n'a pas le choix de leur donner raison. Ils sont au-dessus des lois. C'est eux autres qui Puis. font leur loi. Ben oui, ben on est dans des démocraties représentatives, c'est-à-dire le peuple, il vote pas pour les lois, il vote pour du monde qui vote les lois. Ben oui, mais plus, si tu veux une démocratie réelle, il faut que tu élimines les intermédiaires. C'est pas représentatif, la démocratie. Mais là, c'est rendu que en France, par exemple, il y en a qui disent, ben, les référendums d'initiative populaire, c'est antidémocratique. Mais c'est de l'inversion totale. Je veux dire, mais tu sais, la France, c'est un cas particulier, là. Mais, tu sais, moi, j'aime mieux être ici que là-bas. C'est bien plus, à mes yeux, c'est encore pire. Moi, pareillement, c'est sûr que j'ai l'impression que la France, ils vont, dans les prochaines années, leur situation va continuer à se dégrader, notamment au niveau économique. Mais nous autres aussi, je veux dire, on connaît une forte inflation, mais je pense que ça va être quand même moins pire qu'eux, là. Ben, c'est sûr, on fait partie de l'Empire. Eux autres, c'est une colonie. Pourquoi l'affaire le Nouveau Monde? Pourquoi on appelle ça le Nouveau Monde? Parce qu'ils ont inversé le. On a été la colonie. À cette heure, c'est eux autres. Dans le sens que l'Europe s'est faite détruire pendant la Deuxième Guerre. Il a fallu reconstruire. Puis. Fait que là. C'est des jeux de transfert. C'est des jeux de transfert. Aujourd'hui, le nouveau monde, ben, c'est le vieux monde qui est instrumentalisé par le nouveau monde. Parce que ceux qui mènent, ils ont déménagé. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'autrefois, l'Europe a colonisé l'Amérique. Et là, suite à la Deuxième Guerre mondiale, ben, c'est les Américains qui ont colonisé quelque part l'Europe avec l'américanisation, puis. Ouais, l'Europe continentale. Parce que l'Angleterre, même si ça va tout le temps être à part. Ça va tout le temps être à part. À un moment donné, je ne sais plus c'est dans quel contexte, c'est quelqu'un en jasant qui m'avait sorti ça. L'Angleterre, elle n'avait pas accepté de participer à certaines affaires des bébelles européennes. Puis elle disait, en tout cas, c'était totalement inversé, genre, maintenant l'Europe est isolée. Comme si l'Angleterre, c'était plus gros que l'Europe, là. Quelque part, oui. Ben, elle a des ramifications dans tellement de pays. L'Angleterre, c'est sûr que son passé de pays colonisateur avec des colonies en Afrique, en Amérique, un peu partout, c'est un peu comme une pieuvre qui a plusieurs tentacules, ça lui donne un gros poids à ce niveau-là. Ben, c'est des génies mafieux. C'est des génies mafieux. Moi, les gangsters anglais sont bien plus difficiles à comprendre que les Italiens, par exemple. C'est bien plus subtil, c'est bien plus secret. C'est un pays de pirates. Ben, tu sais, je parle généralise pas, là. Mais il reste que ces autres, ils finançaient, bon, par rapport à l'Espagne, puis ils ont financé de la piraterie, là. L'Angleterre. Bon, t'as des pays plus comme ibériques, qu'eux autres, bon, ils se mettaient riches avec le chocolat, là, avec, bon, eux autres, ils ont dit, OK, nous autres, ça va être le tabac. Quelque part, c'est très intelligent. Ils vont tout le temps trouver un produit plus addictif que les autres. C'est comme la guerre de l'opium. Bon, ben, c'est parce que les Chinois, c'est une des cultures les plus riches, qui a une expertise inégalable, là. Je veux dire, bon, la porcelaine, la soie, puis le thé, ça a de la valeur beaucoup. Puis ça, les Anglais pouvaient pas accepter ça. Moi, ce qui m'écœure, par contre, c'est que les Allemands, puis bon, il y a d'autres qui ont participé à, jusqu'à un certain point, détruire la Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que c'est une sorte de problème inventé, là. Dans le sens que, moi, à mes yeux, j'ai tout le temps vu la Chine comme, dans le fond, la Chine comme on la connaît, que je déteste, la Chine communiste, c'est un produit des manigances anglaises, entre autres. Puis ça a été voulu de même, ça a été financé pour que ça devienne de même. De la même façon, quand ils ont voulu se débarrasser des Romanov en Russie, puis c'est de voir que c'est du monde parent, des mêmes familles. Je veux dire, Alexandra Romanov était parente avec les autres maisons royales. C'est de voir que, dans le fond, c'est vraiment du monde. Comment je pourrais dire ça? C'est des niveaux de perversité extraordinaires. Parce que tu tues ta propre famille. C'est là, je te dis, ça ressemble à la mafia, là. C'est comme en Sicile ou dans des coins de même, d'un petit village, bon, c'est contrôlé par des mafieux. Ils vont aller jusqu'à tuer quelqu'un. Puis c'est le gars qui a commandité le meurtre, puis tout le monde le sait, c'est lui qui va faire l'éloge funèbre. Puis qui va dire à tout le monde, bon, on va pas prendre soin de sa femme puis de ses enfants, ils n'auront jamais à s'inquiéter de rien. Puis ils le font, là. C'est le sommet de l'hypocrisie. Ben, le pire, c'est que c'est pas si hypocrite que ça, tout le monde le sait. C'est un Mais secret c'est de une. Polichinelle. Ben ouais, puis c'est voulu de même, dans le sens que c'est une façon de dire, ben moi, je contrôle tout de A à Z, point. C'est tout, là. Il n'y a personne qui n'a pas un mot à dire. Puis souvent, ces plus grands chefs mafieux-là, une fois qu'ils se faisaient pogner parce qu'il y avait des guerres en clique, puis là, il y a comme du roulement de personnel, c'était surprenant de voir des fois, c'était des petits paysans illettrés. C'est du monde, c'est pas du monde. Mais c'est, tu sais, tu vois ça dans d'autres cultures aussi, là. C'est comme. Exactement, mais ce qui est intéressant par rapport à l'Angleterre, qui a amené un mouvement, en fait, c'est eux autres, à mon avis, les architectes du phénomène de la mondialisation qu'on connaît à l'époque présente, ben, ils ont colonisé des pays comme par exemple la Chine, Puis ensuite, la Chine est devenue un pays néocolonisateur en Afrique. Donc, Ben, c'est sûr parce que la clique que tu entretiens en Chine, faut que tu lui donnes des raisons de continuer. Fait que faut que tu lui donnes des parts de gâteau. Dans le fond, là. Puis l'Afrique, c'est comme un gros gâteau. Puis là, toutes les mafieux, ils veulent leur part du gâteau. C'est le continent le plus riche, En termes de au fond. ressources, et paradoxalement, Oui. c'est un des endroits où les gens vivent plus pauvrement, là. Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est voulu. C'est un peu comme Haïti. Haïti, la France, le Canada, puis les États-Unis vont tout le temps tout faire pour que ce soit le plus instable possible. Puis ils sont tout le temps en train de dire, on va aider, tu sais, puis ils s'ingèrent, puis ils veulent mener, puis ils veulent. C'est comment ça se fait pendant le COVID? Il y a des mercenaires qui viennent d'Amérique du Sud, puis tout, puis ils viennent castrer le président, ils crèvent les yeux. Moi, ça, c'est des affaires qui m'ont le plus choqué. Puis là, la CIA, les Américains, ils mettent un docteur de marde à la place du président. Mais un mangeur de marde, là, une pourriture de la pire espèce. Puis moi, je regardais ça, je dis, ben, ils continuent comme ils ont tout le temps fait, puis personne ne dit rien. Puis là, tu sais, tu peux pas. Mais tu sais, c'était gros comme un éléphant. Oui, mais c'est Vraiment, là. peut-être tellement gros que les gens ne le voient pas. C'est ça un petit peu le Ben, paradoxe, là. on est entretenu à pas le voir. Parce que, tu sais, quand je me suis m'intéresser à Haïti, puis Toussaint l'ouverture, puis la cérémonie de bois de caïman, puis comment ça avait commencé, puis tout, j'étais surpris de voir qu'il n'y a rien dans le sens qu'on ne nous en parle pas à l'école, on nous en, tu sais, je veux dire, c'est un pays qui fait partie de l'Amérique, dans le fond, Haïti. Là. Ils sont pas si loin que ça, là. Puis on a des liens pareils historiques. Puis c'est de voir qu'on ne nous en parle pas. On ne nous en parle pas. Moi, à l'école, ils n'ont jamais parlé de. C'était pas. De toute façon, je pense que ça existe. Dans le fond, techniquement, ça n'existe plus les cours d'histoire. Puis moi, je me rappelle, nos cours d'histoire, c'était de l'idéologie. Dans le sens, c'était oh, les coupes à blanc, c'est pas correct. Bien, il y a encore des cours d'histoire en quatrième secondaire pour les étudiants, mais c'est l'histoire du Canada, tu sais, c'est pas une histoire. Ben même là, l'histoire du Canada, dans le sens que je serais curieux, moi, d'aller voir ce qu'ils leur enseignent. Tu sais, la plupart, tu sais, les débuts de la Confédération, tout ça, je suis pas mal sûr que c'est pas enseigné vraiment. Tu sais, bon, les premiers Français, puis là, qui arrivent à Stadacone, puis toutes ces affaires-là, je suis pas sûr qu'ils sont au courant, les élèves, de tout ça. Eux autres, ce qu'on leur enseigne, c'est que l'île de Montréal, c'est un territoire autochtone non cédé, tandis que c'est pas vrai, là. Il y a eu des traités. Mais, donc, tu sais, moi, je pense que c'est de l'idéologie qui se font apprendre. Parce que c'est ça, moi, que j'ai eu à l'école. Il a fallu que je l'apprenne tout seul, l'histoire. Fait que je suis pas mal sûr que c'est encore pareil. Puis c'est pareil, la géographie, de la façon qu'on nous l'enseignait. Les souvenirs des cours de géographie que j'ai, c'était vraiment mauvais, là. La prof de géographie, elle enseignait un programme, mais dans le fond, admettons que tu faisais une composition par rapport à la géographie, puis tout, là, elle avait de la misère à corriger ça, parce que là, si tu parles de des régions du monde qu'elle connaît pas, Et mais pas en c'était. mesure d'évaluer, puis il faudrait qu'elle fasse des recherches, alors peut-être que ça y tente pas. Ben ouais, mais si t'es prof de géographie, t'es supposé connaître la géographie, puis c'est des connaissances générales. Mais tout ce qu'ils connaissent, c'est le programme. Ils ont un bac en enseignement, puis là, ils vont se spécialiser dans telle affaire, puis là, ils vont étudier le programme, puis ils enseignent le programme. En dehors du programme, point de salut, comme autrefois on disait en dehors de l'Église, point de salut. Ouais, mais le pire, c'est que possiblement que là, ça aboutit au contraire. Dans le sens que si tu sors pas de la boîte, tu comprendras jamais ce qui se Ça, passe. c'est clair. C'est pour ça que, dans le fond, on fait miroiter que le salut, c'est-à-dire la réussite scolaire pour un élève, c'est de répéter ce qu'il apprend dans le programme comme un perroquet. Or, c'est ce qui va l'enformer psychologiquement. Ben, juste par rapport à ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, qu'on essaie de nous faire accroire que c'est des histoires de nationalisme, de religion, Tandis que c'est une histoire c'est vraiment de la géopolitique dans le sens de l'énergie, comme tu disais. Puis tant que on va être conditionné à pas le voir, ben, on va prendre parti pour un bord ou pour l'autre, tandis que c'est tout pareil. C'est tout pareil. Puis finalement, bon, ben, il y a aussi le fait que moi, je pense qu'il y a une programmation, dans le fond, qui se fait. Puis il va falloir aller jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire, bon, ben, possiblement que ils s'est instrumentalisé, puis tout, puis qu'ils ont prévu que Jérusalem, ça va être détruit un jour. Et reconstruit. Oui, parce que c'est ça le but. Non, exactement. Fait que s'il y a une escalade de conflit, ensuite Jérusalem est détruit. Là, il y a la grosse guerre puis ça vire international. Après ça, il va y avoir la paix et la descente de la Jérusalem céleste. Ouais, mais là, l'affaire, la Jérusalem céleste. Tu sais, dans le fond, c'est un peu leur connexion avec les circuits universels, tant qu'à moi, là, cette histoire-là, la Jérusalem céleste qui descend. Ben là, rendu là, ça veut dire que s'il faut qu'il y ait eu un tri entre le bon grain puis l'ivraie, ça veut dire qu'il va en avoir eu beaucoup, là, de morts. Parce que, t'sais, pour que ça soit perceptible puis que ça arrive, faut que ça soit qu'on ait les capacités collectivement. Ben, je trouve que c'est mal parti. On a un bout à faire encore, là. Pour qu'il y ait plein de morts. Ben, d'après moi, oui. Parce que, comment je pourrais dire ça? C'est impossible dans le contexte actuel, là. Vraiment. Il y a du monde. Ils seront jamais. Tu sais, je veux dire, si tu veux que ça descende, faut qu'on ait la capacité collectivement. L'affaire, la Jérusalem céleste, c'est collectif, ça. C'est comme là, tu as un nouveau cycle, tu as une nouvelle civilisation sur Terre. Mais là, ça veut dire la vieille civilisation est morte. Oui, pour qu'il y ait une renaissance. Ben oui, parce que tu pourras pas, je veux dire, sinon les anciens éléments, ils vont venir contaminer. Ils vont ramener. Va y avoir de la contamination mémorielle. Fait que c'est sûr que pour qu'il y ait un renouveau, faut qu'il y ait une certaine forme de table rase du passé. D'où certains vont dire, ben, un peu comme Sodome et Gomorre qui aurait été détruite, puis les gens changeant en statut de sel, ben, s'il y a une destruction nucléaire, ben là, à ce moment-là, les êtres qui sont détruits, ben, on va reconstruire sur leur ville, là. Le pire, c'est que ça a été retrouvé, ces villes-là. Tu sais, c'est comme Jéricho, ça a été retrouvé. Tout le monde pense que c'est des histoires. Oui. Dans le sens que ben, ça s'est déformé avec le temps. Mais il reste que c'est pas des histoires d'un bout à l'autre, là. Ben, ils ont retrouvé en tout cas au Moyen-Orient des lieux avec une quantité anormale de radiation qui pourrait témoigner que dans le passé, il y aurait eu l'utilisation de l'arme nucléaire à certains endroits. Ouais, bon, en tout cas, c'est justement, c'est parce que ça a été vitrifié qu'ils ont pu se rendre compte. Mais si tu regardes, selon l'emplacement, puis tout, ça correspond pas mal. C'est comme l'archéologue qui a retrouvé la ville de Jéricho, c'était par l'Ancien Testament qu'il l'a retrouvé. Mais les cartes étaient bonnes, les indications étaient bonnes. Ça, l'histoire de la ville de Jéricho, qui font le tour de la ville avec les tables de la loi, puis la ville, les murs tombent, puis, tu sais, il y a quelque chose qui fait pas pour eux, bon, en tout cas. Puis après, ils massacrent tout le monde. Ils massacrent tout le monde. Parce que, bon, ben, tu sais, c'est un peu ça le contrat, là. C'est ça, c'est ce qui est spécial. Ils se font dire, bon, vous allez sortir d'Égypte. Hier dans le désert. Puis après, dit, bon, la terre promise, vous allez l'avoir, mais là, le problème, c'est qu'il y a du monde qui vit là. Fait que c'est ça. Mais là, c'est encore de même. Mais là, bon, c'est parce qu'il y a du monde là, qui vit là. Mais là, est-ce qu'il faut. Tu sais, je veux dire, dans l'Ancien Testament, là, c'était, il massacrait tout le monde. puis ça disait ben c'est des idolâtres, puis c'est des impudiques, puis c'est des ci, puis des ça. Puis quand on regarde au niveau de l'histoire, puis ce qu'on a archéologiquement, les Philistins étaient plus avancés que les Hébreux. C'est peut-être ça qui les a perdus, dans le sens que quand une civilisation atteint un très haut niveau de raffinement, elle est dans la marde. Il arrive des barbares, puis ils mangent une volée. Puis ça a tout le temps été de Ben, même. c'est-à-dire, s'ils cultivent pas l'art de la guerre. Ben non, ils sont rendus à faire des poèmes, puis c'est comme les Ming qui s'étaient rendus bien ben raffinés. Puis quand ils se saoulaient avec du vin de blé, puis ils composaient des poèmes, puis ils peignaient sur des pots, puis bon, c'était bien beau. Mais après, les barbares viennent du Nord, puis Ils n'ont pas une ils ont capacité pu. de riposter parce qu'ils n'ont pas développé une puissance militaire suffisante. Ben, c'est parce que ça devient du monde que c'est comme, on pourrait dire, comme du monde qui s'embourgeoise. Mais c'est là que, jusqu'à un certain point, on se rend compte que il y a quelque chose qui est évolué, dans le sens que là, on a entretenu les gens dans une culture jusqu'à un certain point d'oisiveté, jusqu'à un certain point. Comme quand j'étais enfant, on disait que la technologie allait amener la société des loisirs. Puis pendant ce temps-là qu'on se ramollit, ils nous préparent des invasions barbares quelque part. Puis finalement, ils font venir du monde que est-ce qu'on va avoir la capacité de. Je veux dire, il y a bien du monde qui haïssent l'Occident. Puis bon, ben c'est ça. Il y a bien du monde qui. Pour eux autres, c'est la culture la plus méprisable. C'est sûr, parce qu'ils ont tout fait, ceux qui gouvernent en arrière des rideaux, pour qu'elle soit méprisable, la culture. On a été élevés, pour devenir des gens méprisables, quelque part, là. Parce que si tu regardes ce qui est encore enseigné dans les écoles publiques, puis de plus en plus, jusqu'à un certain point, si les jeunes gens adhèrent à ça, ils vont devenir des gens méprisables pour d'autres. Oui, parce que des jeux de polarité, c'est ça, comme je l'expliquais tantôt, où ce que par exemple en Iran, l'homosexualité est interdite, voire les gens peuvent connaître la peine de mort. Puis ici, on enseigne gros comme le bras l'idéologie LGBTQ+, avec les transsexuels, les drag queens, que tout ça doit être accepté socialement et accueilli à bras ouverts. Ben, ça, on le voit pendant l'attaque du Hamas. Il faisait un rave le samedi. Le samedi, t'es même Oui, pas en supposé avoir Israël. le droit d'allumer un briquet, là. Eux autres, ils étaient sur le gros party, puis en vrai, ils sont beurrés de tatou, les anneaux d'en face. Ils prennent probablement de l'ecstasy, toutes sortes d'affaires. C'est sûr que la gang qui arrive dans le tas, pour eux autres, c'est du monde méprisable. Ils viennent, dans le fond, ils attaquent du monde que c'est pire que des animaux à leurs yeux. Puis là, d'un autre côté, ceux qui sont de l'autre bord qui se font attaquer, pour eux autres aussi, c'est pire que des animaux, ceux qui Ils les s'en attaquent. prennent à des jeunes adolescents qui ont du plaisir, des gens non armés. Qui font la fête. Ouais. Mais la fête, c'est pas tout. Ça C'est la ne les devait pas fêtes, être c'était. des jovialistes. Non, ben les fêtes, souvent, c'était les gouvernements, les États qui instituaient des fêtes. Ou ben des fois, c'était les paysans eux-mêmes quand c'était des petites cultures, comment je pourrais dire ça, des régions, là, c'était régional. Mais c'était pour. Ça avait tout le temps une fonction cathartique collective ou psychologique, ou il y avait. Ça s'est lié, en tout cas, à des affaires assez subtiles. Mais il reste que moi, jamais. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ça? Pourquoi qu'il y a des. Moi, ça me surprend qu'il y ait des sionistes athées des mouvances LGBT en Israël. J'ai jamais compris. Il y a de quoi là-dedans qui marche pas. C'est des schizophrènes. Ça marche pas, là. C'est pour ça qu'on coquille cette attaque-là. Voyons donc. Mais on le sait que c'est le même dans le coin de Tel Aviv. Tandis qu'à Jérusalem, fait des marches de fierté LGBT, tu vas avoir de la misère. C'est plein d'orthodoxes à Jérusalem. Mais même les chrétiens et les musulmans ne seront pas contents, là. Mais il reste qu'à Tel Aviv, la station balnéaire, c'est comme la place que. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre tous les jeunes qui sont, dans le fond, qui sont issus du judaïsme, puis qui ont des mentalités woke. Ben, Ils sont sionistes en plus. Je comprends pas comment ils viennent à bout d'avoir une logique dans leur tête. C'est de la schizophrénie, là. en fait, les jeunes sont exposés aux réseaux sociaux, à Netflix, à différentes mentalités internationalistes à travers, entre autres, le web. Donc, ils connaissent, malgré une colonisation psychique, puis ils n'ont peut-être pas nécessairement tous intégré les fondements religieux traditionnels comme leurs Ben parents voyons ou donc. grands-parents. Hey, j'en ai vu un de ceux qui est mort, puis on le voyait en avant du mur des Lamentations, là. T'sais, tout attriqué, là. Puis pourtant, il était un de ceux qui faisait le party à Tel Aviv. Puis ses parents, en plus, il est même pas né en Israël, le gars. Il a des parents canadiens, je sais plus trop, de Toronto, de Montréal, puis lui, il a décidé qu'il allait en Israël pour faire le party. Mais quelque part, quand je regarde ça, je me dis, c'est un schizophrène. Il faut avoir un logiciel mental totalement tordu. Parce que c'est toutes des affaires, ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Même, c'est surprenant que la chicane pogne pas plus que ça. Entre eux autres, là. Parce que ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire, parce que ben, le sionisme, à la base, c'est des athées, ça. C'est vraiment, là, au départ, là, parce que, dans le fond, bon, ben, c'est ça. Moi, je peux pas le voir autrement. Je veux dire, ils vont se servir de la religion comme prétexte. Mais c'est des athées, de la façon qu'ils agissent. Mais Ça marche pas. en même temps, Sion, ça fait référence. Là, c'est sûr que tu es sans doute plus calé que moi, là, mais il me semble que c'est en lien avec un lieu sacré, la cité ou la ville de Sion, quelque chose comme ça. Je comprends que c'est peut-être instrumentalisé par des athées qui ont une visée internationaliste, là, mais il devait avoir quand même un fondement à la base, je veux dire, au mouvement. Ben, c'est parce que c'est bizarre. Dans le fond, c'est plus un espèce de nationalisme, du chauvinisme juif. C'est une forme de nationalisme. C'est idéologique. Mais il y a tellement de juifs orthodoxes qui sont pas en Israël puis qui veulent pas y aller parce que ça va contre la Torah. Puis ils le disent. Mais eux autres, il n'y a personne qui veut les laisser parler puisque comme s'ils n'existaient pas. Mais à mes yeux, c'est eux autres, au moins, sont, comment je pourrais dire ça, il y a une logique là, dans la façon qu'ils agissent. Ils disent, on est encore en exil, puis on n'a pas d'affaire à retourner là-bas, il peut juste en arriver du mal parce que on va être encore puni. Parce que Yahvé, je veux dire, il aime ça, botter le cul de son monde. Dans le sens que c'est rough, là. Israël, l'histoire d'Israël, c'est ils passent le temps à avoir comme une sorte de contrat avec ces forces-là. Finalement, ils ne sont pas capables de les respecter, puis ils vivent des conséquences. Il y en a même qui disent ce qu'ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que c'est comme un retour, là. Ils n'utilisent pas la notion de karma, mais ils en viennent à ça. Ils disent ah, ben. Ça a accéléré la venue de Machia, puis mais ça, c'est chez les sabbato-franquistes, là, ils sont complètement sautés, eux autres. Ils pensent que c'est correct d'agir le pire possible avec les populations là-bas, parce que plus tu fais le mal, plus tu accélères la venue du Messie. Donc, faire le mal, c'est bien. Ben, parce que ça amène paradoxalement un retour du balancier. Ouais, mais il est supposé puis avoir de retour après. Mais c'est un messianisme tordu. Oui, mais nos dirigeants au niveau supramental sont à quelque part tordus, comme tu disais tantôt, on est la planète de l'adversion voulue pour amener des gens à évoluer puis à se perfectionner à travers des oppositions. Oui, puis c'est pour ça qu'il y en a bien qui vont se réaliser dans l'épreuve. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, il y aura peut-être des nouveaux initiés qui vont germer, que ce soit en Palestine ou en Ukraine. Oh, ben, c'est sûr. C'est sûr. Il doit déjà en avoir, de toute façon. Habituellement, les plus allumés, ils s'en vont. Dans le sens que, ben, avant que ça éclate, ils vont en aller. C'est un peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont quitté l'Europe. C'était les plus allumés, tant qu'à moi. Oui, ben, il y avait des Juifs qui avaient immigré là, à New York, entre autres. Ben oui, ben, à Montréal. Mon père, quand il était petit, juif, qu'il payait pour le samedi, il allait allumer ses lumières, ses lampes, puis il allait allumer sa fournaise. Parce que lui, il n'avait pas le droit. C'était samedi. Fait que mon père, lui, il se faisait payer par le juif pour aller chauffer ses affaires, puis chauffer l'appartement, puis allumer les lampes, des affaires dans ma main. Donc, à Montréal, ça fait longtemps. C'est une des villes les plus importantes par rapport au judaïsme, Montréal. Ben, je comprends pas, on n'en parle pas. Le mot casse-croûte, ça vient de la cache-route. C'est comme t'sais, les restaurants Nichols. Ça vient tout d'eux autres. Le pastrami, les bagels, le gâteau au fromage. Mais t'sais, c'est parce qu'on n'avait pas le droit de manger, mais il y a des règles pour la nourriture tellement strictes ils ont été obligés d'ouvrir leur propre restaurant. Fait que, mais il reste, ça a tellement influencé notre histoire, ça justement. En même temps que on essaye de nous vendre que une des pires, comme si l'antisémitisme, ça existe, l'antisémitisme, que c'était le pire que le racisme quelque part, puis qu'on nous vend ces communautés-là beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais ils nous en parlent pas de l'extraordinaire importance qu'ils ont eue puis qu'ils ont encore. Je veux dire, je veux dire, au niveau du monde des affaires au Québec, les épiceries Steinberg, puis Ben, au niveau, ça. sinon, au niveau géographique, tu sais, tu as la ville présentement de Lévis qui est en plein essor sur la rive sud de Québec vis-à-vis les plaines d'Abraham. Donc, Ben on a oui, des puis. noms en lien avec l'Ancien Testament. Ben oui, le duc de Lévis, c'est un juif qui s'était. Con... En tout cas, que sa lignée s'était convertie au christianisme, mais ça veut dire qu'il descendait des Lévites. Comme d'autres qu'on connaît, là. Comme BHL. Mais, tu sais, c'est pas anodin. Ça a tout le temps été. Mais c'est un peu comme. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. Puis il reste. Tu sais, je veux dire, on était liés à eux autres bien avant, les Maghrébins, par exemple. Fait que là. C'est sûr, le monde, on dirait par instinct, ils vont prendre souvent plus pour. T'sais, ils vont prendre pour un pour l'autre, ils vont le sentir plus proche d'Israël. Mais moi, ça me dépasse un peu. Je trouve ça spécial. Parce que en ce moment, il se passe des affaires, c'est vraiment injustifiable. Dire, oh, ben, c'est ça qui arrive quand on prend le parti des terroristes, on paye pour. J'ai vu ça dans une vidéo aujourd'hui, un que j'écoute de temps en temps, mais là, il va fort pas mal. Il va fort pas mal. Mais je suis toujours surpris. Il y a un fond de racisme, hein, pareil, chez les Québécois, dans le sens que des fois, c'est vraiment subjectif que ça n'a pas de bon sens, là, les positions que je vois. Parce que moi, je prends ni pour un ni pour l'autre. Pour moi, c'est tout pareil. Mais il y en a, Moi aussi. automatiquement, ils vont. Oui, ils vont se polariser dans un camp. Puis c'est sûr que c'est le piège parce que par la suite, ben, ils vont tout interpréter d'une manière favorable par rapport à certains, puis minimiser les actes de ces gens-là et exagérer la menace de l'autre, là, tu sais. Moi, ben, tu sais, c'est parce que des fois, même, j'entends des affaires, je trouve ça. Pas sûr que le monde se rende compte de la connotation que ça a, mais on voit à travers ce qu'ils disent. Tu sais, c'est comme. T'en as un pasteur protestant à Montréal qui avait un certain succès. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un catholique dire oh, lui, puis son église, ben, tu sais, ce pasteur-là est d'origine haïtienne. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un catholique dire ben, oh, lui, puis son église, Hakuna Matata. Là, je regardais ça, puis je me disais ouais. Me semble que ça n'a pas de classe d'aller dire une affaire de même. Parce que ça n'a pas rapport, là. Non, exactement. C'est pas un argument. C'est plus une Ben attaque non. personnelle pour essayer de le discréditer. Ben c'est pas juste ça, c'est que c'est orienté, tant qu'à moi. Puis moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être jaloux parce que son église, justement, ça prend de l'ampleur. Puis la religion catholique est en déclin, ben. Ah, oh, mais pas autant qu'on dit. OK. De toute façon, ça fait partie de l'âme d'une partie de la population. Puis c'est encore là, là. C'est encore là. Puis il reste qu'à un moment donné, le monde, quand ils ont plus de ressources, puis tout, des fois, ils retournent dans des affaires. Bon, on s'attend pas à ça. Mais il reste que, de toute façon, moi, je trouve que c'est encore là. C'est pas mort, mort, là. Non, ça n'a pas encore totalement disparu, mais ce que je vois, c'est que ça, comment dire, il y a un déclin de la pratique quand même religieuse depuis la Révolution tranquille. Il y a moins de gens dans les églises. Puis moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a comme une pression pour qu'il y ait des ajustements dans le sens que je vais te parler de quelque chose de très concret. Mon frère, il a eu une fille comme moi. Et puis, sa compagne insistait pour qu'il y ait deux parrains au lieu qu'il y en ait juste un. Puis à l'origine, ben, les gens de l'Église catholique étaient plutôt réfractaires, mais finalement, le prêtre a accepté que les deux parrains soient là. Ils vont juste un nom sur le registre, mais ils acceptent quand même qu'ils participent à la cérémonie. C'est le genre d'accommodement qu'on n'aurait pas vu il y a 30 ans ou 60 ans. Mais j'ai l'impression que là, les catholiques qui dirigent chantent qu'ils sont sur le point de perdre des parts de marché pour Ouais. aller dans des branches qui sont Mais plus là, ouvertes du l'affaire, christianisme. c'est-tu deux parrains qui forment un couple ensemble? Ben, c'est un couple homosexuel, oui. Bon, c'est ça qui accroche, parce qu'anciennement, ça arrivait, ça. Pas parce que c'était des couples, mais genre, tu pouvais avoir plusieurs parrains marraines, là. Mais là, c'est parce que ça accroche à cause de ça, là. Parce que c'était pas comme tu pouvais avoir deux couples qui parrainaient un enfant. Mais tu sais, c'était des couples, deux couples, un homme, une femme, là. C'est plus pour ça que ça accroche, mais c'est aussi parce que, bon, ben, c'était figé dans la forme, puis... Mais moi, ça me surprend qu'il soit pas plus accommodant que ça. Moi, je trouve que l'Église est rendue pas mal... C'est rendu pas mal d'affaires, là. Fait que même là, ça me surprend, ce que tu me racontes, là. J'aurais pensé qu'il aurait dit oui de suite. Non, de ce que j'ai compris, là, mais le point que je voulais faire, ben, si on en regarde à un autre niveau plus basique, plus de base, ben, la religion est sortie des écoles aujourd'hui, dans le sens que là, il y a eu les cours d'éthique et culture religieuse, puis là, il y a eu les cours de citoyenneté, fait que les cours de religion où les sacrements étaient donnés en classe, puis ces choses-là, c'est fini ce temps-là, là. Ça dépend. Il y a des églises catholiques, des écoles. Il y en a encore. C'est des écoles privées. Puis tu as un curé qui vient parler de la transubstantiation. Ça existe encore. Quelqu'un qui veut que son enfant ait une éducation catholique, il y a des collèges catholiques. Puis même si tu n'en trouves pas dans ton goût au Québec, il y en a aux États-Unis encore. Il y a pas mal de catholiques aux États-Unis. Mais ça existe encore. Quelqu'un qui tiendrait à tout prix, là, puis qui est prêt à déménager et à payer pour parce que c'est assez cher et tu peux envoyer ton enfant dans un collège catholique, c'est au niveau de la masse, c'est au niveau de la population générale que tu as pu ça, à cause des écoles publiques. Mais Non, ça c'est existe ça. encore. Mais ce que je voulais dire au niveau de la masse qui rejoignait quand même des milliers de personnes, mais les jeunes avaient les sacrements, que ce soit le baptême, le baptême, le pardon. Ben, peut-être pas le baptême, là, parce que actuellement c'est très jeune, mais je veux dire la communion, la confirmation, c'est en lien avec l'école. Ben oui, parce qu'il fallait tes formes, tu sais. Mais t'as ça dans les écoles encore juives, là. Dans le sens où ils reçoivent une instruction religieuse pour que mais qu'ils fassent leur bar mitzvah, qu'ils fassent pas n'importe quoi. Mais c'est le même principe. Mais encore là, tu vas avoir une école en dehors de l'école. Dans le sens que, bon, ben, admettons là, que ton enfant, il faut qu'il fasse sa confirmation, puis tout, t'as des formations qui sont données par c'est le diocèse là, les évêchés puis bon ils ont des bénévoles, c'est souvent des bénévoles puis eux autres ils vont la faire là, la catéchèse, c'est pas encore parti. Il y a bien du monde Ils disent, oh, j'aimerais, tu sais, ils voudraient encore que les enfants, bon, il y a un peu les mêmes bosses qu'ils ont eu, puis tout, mais c'est parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y en a encore. C'est comme, des fois, quand j'entends, oh, les églises se vident, ben, c'est parce qu'ici, moi, les dernières fois que j'ai été voir, il y avait du monde. C'était plein. Oui, mais ce qu'il y a à mettre en contexte, c'est que s'il y a des églises qui sont fermées sur un territoire où, ce que par exemple, il y en avait quatre, là, il en reste juste une, bien, les gens qui étaient dispersés aux quatre, ils se retrouvent dans la même église. Donc, ça donne l'impression qu'il va y avoir plus de personnes, mais en réalité, c'est tout simplement qu'ils vont chercher la population qui était dans des églises voisines avant qu'elles ferment. Ben moi, ici, la ville, les églises, c'est les mêmes qui sont ouvertes. Je veux dire, il n'y en a pas eu de fermées. Puis, il manque de prêtres. Puis, les prêtres sont débordés. Ils sont tous surmenés. Les églises sont pleines parce qu'elles sont pleines d'immigrants d'Amérique du Sud puis d'Haïti. Puis, ils vont à l'église, eux autres. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais le prêtre aussi, souvent, tu sais, il va venir de tu sais, De d'autres pays, puis. ouais. Ben oui. Fait que, tu sais, veut pas, les églises, va peut-être falloir en réouvrir, là, la façon qu'ils font venir du monde. Dans le tiers-monde, ou en Amérique centrale, ou en Amérique du Sud, ou dans certains pays africains, c'est encore, il y en a encore des églises. Puis souvent, ceux qui vont être portés à immigrer en Occident, c'est des chrétiens. Fait qu'ils n'auront pas le choix, là, à un moment donné. Ils citent, bon, ma propriétaire, elle a un contrat avec des agences. Fait que j'ai beaucoup des femmes qui travaillent pour les services de santé. C'est toutes des Haïtiennes ou des Camerounaises. Ils vont toutes à l'église. Toutes à l'église. Bon, OK, ils sont pentecôtistes, là, souvent. Mais je le connais, ici, le pasteur pentecôtiste, un ami d'enfance de mon frère. Mais. Il reste que c'est pas du monde non pratiquant, là. Fait que s'ils veulent faire venir de l'immigration puis fermer les églises en même temps, à un moment donné, c'est eux autres qui vont se financer ensemble ils vont réouvrir des églises. Tu sais, si t'as du monde d'où ils viennent, puis vu la programmation qu'ils ont, ils sont pas prêts à. Ils sont pas sans spiritualité à ce Non, non, ils niveau-là, sont là. pas prêts à être athées. Puis ça me fait Ben non. penser au fait que d'un côté, le gouvernement va faire la promotion du mouvement LGBTQ+, là, que ce soit le Québec ou le Canada, mais en même temps, ils font venir des immigrants qui sont réfractaires à ça pour des raisons de conservatisme religieux. Ben moi, je pense que le but, c'est de créer un certain chaos contrôlé. Ben, ça va être encore. Si le monde sont bien occupés puis à se confronter, ben, ils sont moins. C'est un peu divisé pour régner. Ça revient à ça. Parce que là, pendant qu'ils chicanent puis tout, ben, on ne se revire pas tout en même temps vers le gouvernement pour dire, ben là, c'est vous autres qui faites exprès, là. Fait que pourtant, c'est bel et bien ça qu'ils font. Puis c'est bien fait. Dans le sens que ben, c'est machiavélique. Juste notre ministre de l'Éducation. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui était dans l'affaire des accommodements raisonnables dans le temps de Pauline Marois. Puis là, tout d'un coup, là, il est ministre de l'Éducation pour la CAQ. C'est assez spécial. Putain, ce gars-là, c'est pas un génie, là. Non, non, mais c'était un animateur radio, Bernard Ouais. Drainville, une figure de communication de médias de masse. Fait que, tu sais, c'est comme il y en a qui parlent, ouais, il faudrait pas importer le conflit par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ben oui, mais c'est des jeux comme ça, dans le sens où ben, on finance le conflit d'une certaine façon. Israël, tout le monde est là, ben c'est drôle que le Mossad y ait pas. Qui n'a Ben pas vu ça. Tu sais, moi, quand c'est ouais. arrivé l'événement le 7 octobre, moi, ce que j'ai trouvé curieux dans cette histoire-là, c'était que entre la bande de Gaza et la Palestine, tu sais, il y a des caméras, il y a des barrières. Ils ont pu franchir ça, puis, tu sais, comme si rien n'était, puis ils se sont rendus compte, ah oh, mon Dieu, on a été attaqués, alors qu'ils ont un système de technologie ultra sophistiqué. D'ailleurs, c'est. Ouais. Ben, ça se peut-tu que Netanyahou, c'est un traître à sa population, puis que dans le fond, les Américains ont voulu ça. Puis d'autres. Tu sais, dans le fond, le Mossad, ça serait quoi s'il n'y avait pas la CIA, puis les services anglais, puis les Five Eyes, qui leur donnent de l'information, entre autres, puis qui les ont formés, puis. C'est comme Tsahal, l'armée d'Israël. Ça serait quoi sans les affaires fabriquées aux États-Unis? Bon, ils retomberaient comme le roi David, là. Tu sais, parce que là, dans le fond, c'est drôle parce que dans le temps, le roi David, ce qu'il dit, c'est qu'il a tué Goliath d'une roche. Puis après, eux autres, ils ont connu les intifadas, les guerres de roche. Puis là, c'est les descendants des Philistins, des Cananéens qui lui tirent des roches. Ça s'est inversé. Puis après, tu as eu quelqu'un qui fait partie de la gang à Netanyahou qui est allé à l'ONU avec une roche en montrant, ben oui, mais qu'est-ce que vous. C'est pour ça là qu'il y a des morts à Gaza. Alors, ils nous garochent ça, là. Ils nous montraient ça comme si c'était Colin Powell avec sa file d'anthrax. Mais là, c'est un morceau de roche. Mais c'est ridicule, c'est juste ridicule. C'est incroyable. En plus, ils se sont présentés avec des étoiles jaunes. J'ai vu ça, il y a une délégation qui est allée à l'ONU, puis il y avait des étoiles jaunes. OK, comme celle que les nazis obligeaient aux Juifs d'Europe de Ouais. porter. Ah oui. C'était Là, quoi il le but disait. d'exercice? Ben, l'exercice, c'est que c'est eux autres les victimes. Ah, OK, ouais, je comprends. Puis qui ont le droit de se défendre. Mais c'est un peu comme. C'est parce que ça, c'est n'importe quoi. C'est comme si dans le cas du FLQ, il avait barré l'île de Montréal puis s'était mis à bombarder tout le monde en disant, ben là, la Confédération canadienne a le droit de se défendre. Ben, c'est ça, puis accuser tout le monde de complicité, dans le sens que si vous vivez avec des terroristes parce que quelque part vous nourrissez les mêmes idées, donc. Oui. Parce qu'il aurait pu dire, ben, toute l'île de Montréal, c'est toutes des felkistes. Puis barrer ça, puis ils se mettent tant qu'à faire, pourquoi pas? Oh, on fait des opérations militaires pour. Mais ça se tient pas. Juste la loi sur les mesures de guerre qu'il y a eu dans le test, c'était scandaleux. Ça n'a aucun sens. Puis on a super appris que. Il y avait la GRC qui avait mis des bombes dans des boîtes à mal pour manipuler la Ouais. population, puis faire peur, puis Ah, créer. d'un bout à l'autre. C'est toute de la manipulation, cette histoire-là. Non, mais je veux dire quand même, Pierre Laporte a été tué pour le vrai, là. Oui, mais faut tu sais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le Bourassa, il savait, il était où, la porte, il savait, il était où. Ça a ressorti, ça, à un moment donné. Tu sais, c'est comme l'autre, c'est drôle, l'autre, que ça aurait fait un incident diplomatique, Cross, lui, il était libéré. Fait que, Ça a bon. donné comme ça. Moi, je donne un bénéfice du doute qu'il y avait peut-être des vrais Felskis qui ont enlevé Pierre Laporte, mais Ben peut-être. oui, mais faut tout le Mais temps qu'il y ait un mélange des deux. c'est ça, un peu de vérité, mais beaucoup de mensonges, dans le sens les bombes mises dans les Ben boîtes à mal par les t'en as autorités qui ont canadiennes. infiltré, puis t'en as d'autres, c'est des purs et durs, qu'eux autres sont instrumentalisés à leur insu. C'est tout le temps de même, ces opérations-là. Même, ils vont t'aider à t'organiser. C'est arrivé dans l'ouest du pays, c'était rendu le SCRS, il est en train de convaincre un couple d'attardés mentaux de faire des attentats. Ça a sorti à un moment donné, puis ça a fait un petit scandale, mais comme les médias n'ont pas parlé, puis qu'il y a juste deux, trois articles de journal, ça s'est pas vraiment su, mais la famille poursuivait le gouvernement. Il est en train de conditionner un couple de pas vite à faire des attentats. Le SCRS, pour créer une menace intérieure pour après justifier des affaires. Mais c'est de même partout. C'est de même partout en Occident. Moi, je vais tout le temps me rappeler Laurent Fabius qui disait, oh, Al Nostra fait du bon boulot. Qu'est-ce que tu dis là? Ou Hillary Clinton, oh, ben Al-Qaïda, on les a créés. Tu sais, ils s'en cachent même pas. Fait que c'est pareil, la Mossad. C'est pareil, la Mossad. C'est pareil, et même tant qu'à moi, le FLQ. Même s'il y avait du monde sincère dedans qui ont été instrumentalisés puis qu'on a aidé à former ça, il reste qu'à la base, ça a été voulu. Parce que ça justifiait. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose pour le mouvement qu'on dit complotiste depuis les années 2020? Ben, le trois quarts du monde là-dedans, j'ai aucune confiance. Zéro. Puis d'ailleurs, ça a amené à détourner l'énergie puis à rentrer dans le mur. Puis d'ailleurs, il y en a un là-dedans que ses parents étaient liés au FLQ, puis eux autres, ils ont le droit d'être exilés à Cuba. Tandis que t'en as d'autres, Rose et compagnie, eux autres, c'était rendu des prisonniers politiques. Ils ont été traités comme de... Comment ça, ils n'ont pas eu de sauf-conduit, eux autres? Sais, c'est bizarre, là. C'est vraiment bizarre. Puis en plus, dans le tas de Trudeau, ça, puis il y a des liens bizarres entre Trudeau et l'île de Cuba. Donc, t'sais, il reste que... Puis là, Cuba, c'est un autre peuple martyr, tant qu'à moi, complètement manipulé. Bon, en tout cas, t'sais, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, Batista, ça devait être pas si pire. Ça peut pas être pire que ça, là. Ben, c'était ce qu'on dit, c'est que c'était du capitalisme sauvage sous son règne avant qu'on tombe dans le communisme, là, Sauvage. avec Castro, hein. Ben là, c'est sauvage, là. Ben, dans un sens, Castro a castré sa population en limitant les droits et libertés, puis avec la doctrine communiste. Mais en tout cas, c'est. Ben, tout est souvent, comme tu l'avais déjà dit, inversé. T'sais, on voit Batista comme étant plus pire que l'autre, qui a mis une doctrine d'État qui appauvrit la plupart des gens, là, ouais. Ben moi, je m'attelle le capitalisme sauvage. Tu sais, au moins, ce qu'il y a de beau à Cuba, c'est des affaires qui datent d'avant. Tu sais, j'en connais ça du monde italien, c'est beau, tu sais, y a des trottoirs, c'est comme du marbre, là, pis mais ça date tout de... C'est comme, ah, ils ont des beaux chars qui entretiennent, les beaux chars des années 50 puis 60. Ben oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix à cause de l'embargo, ils n'ont pas le choix d'en prendre soin, ils n'auront pas, ils ne pouvaient pas en avoir d'autres, puis ils sont devenus... Ils ont conservé ça parce qu'il n'y avait pas le choix, dans le fond. Mais ça, en plus, ça démontre que si le consumérisme en Amérique du Nord il avait été un peu plus intelligent, ben, les chars, ça a pu vivre plus longtemps qu'on nous le dit. Parce que c'est bizarre, eux autres, ils ont encore des chars, des fois, des années 50, puis sont en parfait état. Puis ils fonctionnent bien, ils les entretiennent, puis ils sont Oui. beaux sur le plan esthétique également, à la différence des autos d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas un paquet plein de composantes électroniques aujourd'hui, puis l'obsolescence programmée. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle, moi, je... En tout cas, tu sais, c'était une autre affaire, là, mais il reste que... Mais toute l'affaire, comme on a été conditionné, moi, c'est quand je voyais des jeunes avec des gilets Che Guevara. Puis là, j'allais voir, j'ai tu le connais-tu, lui? Es-tu au courant de tout ce qu'il a fait? Puis comment qu'il est mort, puis pourquoi, puis ils le savent pas. Ben non, la plupart des gens sont pas vraiment renseignés. C'est ça l'affaire. Ben oui, mais pourquoi t'achètes un gilet avec ça? Ah ben, c'était à la mode. Et le gars, Ben il oui, paraît c'est bien, ça. il a l'air sympathique, il a libéré Cuba. L'affaire, c'est que si les gens comprenaient comment ça fonctionne, les influences, ils seraient enragés. Ils seraient enragés, puis là, peut-être serait pas bon, parce que si tu comprends tout d'un coup, tu pètes une coche. Tu sais, il va en avoir des affaires, ils vont se ramasser aux poubelles. Mais il reste que c'est rien que ça, là. T'sais, on est totalement conditionné d'un bout à l'autre. Puis moi, c'est comme vraiment l'école, c'est vraiment... C'est drôle, hein? Moi, être directeur d'école, puis t'arrives avec la face de Che Guevara, si ton gilet, ça se peut que je te retourne te changer. Je tolérerais pas ça, là. Mais on n'en est plus là, là. On n'en est plus là. C'est rendu vraiment n'importe quoi. Moi, quand j'allais à l'école, la petite fille qui avait les cheveux mauves, elle se faisait retourner à la maison. À cette heure, la prof a les cheveux mauves. Mais c'est toutes Exactement, des influences. ça l'a changé. Puis là, il va y avoir des gens LGBTQ+ aussi, là, la personne qui veut se faire appeler il ou elle ou yel. Ben, à cette heure, la petite fille qui va être en révolte, si ça continue, elle va se mettre une jupe en laine grise, là, puis un chignon. Ça va finir par en venir à ça. Ben, ça va être ça, d'être révolté, là. Quand le monde va être en révolte contre l'autorité, à cette heure, vers quoi tu veux qu'il se tourne? Un style plus conservateur d'autrefois Ben. qui va devenir éventuellement le style de la contestation. Ben oui. Tu sais, Ça, c'est spécial à dire, mais ça va finir par virer de même. Parce que quelqu'un qui est justement dans une époque qu'il faut qu'il construise son identité, puis qui se met à vraiment se poser des questions, il va remettre en question. Puis là, c'est là que on va le voir, peut-être le bon grain séparé de l'ivraie. Dans le sens que, à un moment donné, on va s'en rendre compte de la différence entre quelqu'un qui est formaté puis quelqu'un qui est réellement instruit, dans le sens que dans le futur, quelqu'un d'instruit, ça va être quelqu'un qui s'est instruit lui-même. Ouais, de manière autodidacte. Ben oui, parce que c'est rendu impossible, là. T'sais, moi, tant qu'à moi, les diplômes, ça a une certaine valeur encore, mais si ça continue comme c'est là, ça n'aura plus vraiment de valeur puis ça voudra plus rien dire. Parce que c'est comme, t'sais, je veux dire, de plus en plus, on a des professeurs, ils sont professeurs de français, ils ont un bac en éducation, tout, mais ils font plein de fautes. J'ai un de mes cousins que, il, t'sais, je veux dire, il fallait corriger ses fautes, là, ses travaux d'université. Parce qu'il était pas. Puis, Puis il est étant devenu enseignant, écrivain. OK. Mais t'sais, il y a de quoi qui marche pas, là. Ben, franchement. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment, ça a été voulu, ça a été pensé sur du long terme, ça a été appliqué. Mais ça, on le voit par notamment l'histoire des États-Unis. Puis c'est pour ça que ça me fait bien rire quand on dit, faut pas parler trop contre les Américains, faut faire la différence entre les services américains puis les cliques qui gouvernent vraiment, puis la belle idéale des pères fondateurs. Il faut pas connaître c'était qui George Washington, c'était qui Benjamin Franklin, puis c'était qui ce monde-là pour dire ça. Parce que ça a été pourri dès le début. La classe moyenne, elle a été créée pour des raisons, puis il a été programmé qu'à un moment donné, qu'elle allait être détruite. Parce que c'était plein par force. Ça n'a pas rapport avec le nationalisme par rapport à l'État des États-Unis. C'était déjà mondial avant, dans le sens que c'était déjà inscrit dans quelque chose de global. Qu'un jour, on allait créer les États-Unis, puis après les détruire, quand ils ne serviraient plus. Donc, autrement dit, la guerre de pseudo-indépendance, c'était de la poudre aux yeux, puis en réalité, ils ont toujours été manipulés, là. Ben là, tu redessines la carte en purgeant un peu. Tu sais, une des affaires, je trouve, c'est comme dans la guerre d'indépendance, puis après, il y a la guerre de sécession. Puis les deux, je trouve que c'est de la. Regarde, juste le Québec, Paul Desmarais, il était plus puissant que Nicolas Sarkozy. Il n'y a personne qui parle de ça. Plus Ça, puissant en c'est termes bizarre. de fortune, Non, il d'influence. était plus puissant en termes d'influence. OK. Puis c'est un. Abraham Lincoln, il était avocat à Montréal. Il n'y a personne qui parle de ça. Ça, c'est spécial, là. Le grand libérateur des esclaves, qui était un dépressif, raciste. Là, ça sort un petit peu plus, mais je veux dire, c'est bizarre. Le Québec est bien, bien plus important que le monde pense. Bien, il y en a qui voient à travers le Québec l'Israël des temps modernes, en ce sens que c'est l'endroit que va naître une nouvelle civilisation. Donc, c'est sûr que là, s'il y a la guerre entre Israël et le Hamas qui s'intensifie, puis eux autres sont détruits, bien, peut-être que nous autres, on va devenir ici un nouveau foyer de rayonnement de de nouvelles idées. Ben. D'une certaine façon, ça serait une logique, il y aurait une logique un peu naturelle là-dedans. Mais vraiment, le nouveau monde, c'est. Dans le fond, c'est un transfert. Moi, je vois ça, c'est des transferts. Fait que donc, oui, peut-être. Mais c'est clair que au niveau historique, ça a été tellement camouflé, l'importance du Québec. Puis. Mais c'est comme quand je te dis, Paul Desmarais était plus puissant que Nicolas Sarkozy. Il n'y a personne qui parle de ça. En tout cas, je terminerai avec ça, maintenant. Oui, donc Sur ces propos, on va conclure cet enregistrement. Donc, c'est sûr que si vous avez envie d'entendre de nouveau Bertold, eh bien, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver de nombreuses entrevues qu'il m'a accordées là, depuis l'année 2017. Donc, ça fait plusieurs années que j'en réalise avec lui. Sinon, je vous mentionne que si vous avez accepté l'enregistrement présent, eh bien, vous pouvez en avoir accès à plein d'autres, là, notamment sur archive.org en format MP3, en plus des vidéos là, sur YouTube. Il y en a plusieurs centaines. Et donc, vous allez avoir le lien web là, en bas de cet enregistrement. Donc, vous en avez vraiment pour plusieurs heures. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous aurez les informations là, c'est rapportant là, en bas de l'enregistrement présent. Là, si vous avez envie de me faire parvenir une contribution financière, sinon, en terminant, ben, c'est sûr qu'on va pouvoir continuer à suivre le déroulement des événements dans le conflit là, entre Israël et le Hamas là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, ça a été l'un des sujets qui a été abordé aujourd'hui là, dans le cadre de cet enregistrement. Et peut-être qu'à un moment donné, on fera un autre enregistrement pour faire un suivi là, sur la situation. L'actualité géopolitique internationale, ce qui se passe aussi en Ukraine, advenant que la contre-offensive à un moment donné se concrétise, on verra bien. Sinon, ben écoute, comme à l'habitude, Bertha, je te remercie pour tout le temps que tu as consacré à cet enregistrement. Je salue naturellement toutes les personnes qui nous écoutent là, jusqu'à présent et je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt.